À tous et bienvenue dans le podcast Movie Nerd. Podcast Movie Nerd, pardon, je suis trop habitué à faire le parent cinéma, justement. vous êtes dans l'émission numéro 31, enregistrée le 8 mai 2017, pardon. Et je suis Axel, un des autres durant ce podcast, et je suis accompagné par mon co-hôte habituel, Eddy. Salut. Salut. Comment tu vas ? Bien, très bien. Nickel. Et on est accompagné par, vous le connaissez sûrement si vous avez écouté le dernier Parents Cinéma et un Parents Cinéma qui était en novembre. Nous on le connaît que trop malheureusement. donc Adrien, salut. Salut. Comment tu vas ? Bah écoute, ça va très bien, que du positif puisque c'est à la fin de la première émission du vrai Movies Nerd. Ça faisait longtemps que j'attendais l'opportunité. Ouais. Bah oui, c'était dans les cartons. Voilà. Et aussi parce qu'aujourd'hui, a priori, à part une exception, on va parler que du positif. Donc ça va peut-être casser vos images rigides de mecs qui râlent à chaque fois qu'on sort une image. Oui, voilà, vous allez voir ça dans l'émission. On a un programme assez chargé. Mais voilà, donc pour faire le programme rapidement, on parlera dans la Select, on commencera avec la Select, on parlera de Cessez le Feu, Django, Life, la saga Pirates des Caraïbes aussi, on reviendra rapidement dessus, et Voyage of Time rapidement. On parlera ensuite du film du mois, ce sera Les Gardiens de la Galaxie Volume 2. Voilà, on a pas mal de choses à dire. Il y aura une partie spoiler, on vous l'indiquera quand ce sera le cas. Et puis si vous voulez pas vous faire spoiler, il y aura le timecode sur l'article du podcast. Et ensuite la dernière rubrique, la Minute Nerd, où je vous conseillerai un truc plutôt sympa. Mais ça, vous verrez ça quand ça arrivera. Et je crois qu'on a tout dit, donc on va partir sur la Select, c'est parti. On est maintenant à la Select Adrien va commencer par parler de Life. Donc, je te laisse parler. Alors, Life, c'est le film de Daniel Espinosa qui raconte l'histoire de scientifiques qui vont un petit peu faire des expériences sur une planète et qui reviennent avec un espèce d'organisme vivant qu'ils n'arrivent très vite plus à contrôler en fait et qui va prendre possession du vaisseau. Mm-hmm. Alors, je suis un peu embêté. Ouais. Parce qu'en fait, au départ, j'avais envie de dire, voilà, de dire du mal de Life, vraiment de dire beaucoup de mal de Life, parce que j'adore venir ici à Movie Nerd et tout casser en disant du mal des films alors que vous êtes tous super positifs. J'adore ça. Ouais. Le problème, c'est qu'entre-temps, j'ai vu... je vais en parler très rapidement parce que c'est pas sujet de l'émission, mais entre-temps, j'ai vu Alien Covenant, et au départ, j'avais envie de dire, bon, au moins, on aura un vrai Alien dans une semaine. Sauf que le problème, c'est qu'Alien Covenant, c'est encore plus à chier que Life. Alors du coup, j'ai un tout petit peu de mal à choisir finalement, à dire que finalement, ce qui est étonnant avec Life, c'est que c'est vachement mieux que Alien Covenant, alors que c'est qu'un plagiat ressuscité complètement d'Alien qui n'invente rien. Le truc c'est qu'en fait, je peux pas complètement dire que c'est mauvais, d'ailleurs je lui ai mis la moyenne dans le site sur lequel je travaille, parce que ça fonctionne en soi, qu'il y a une tension quand même, il y a un espèce d'attachement minime, parce qu'ils sont tous tellement mal écrits que ça rend bien risible. Aux personnages, et donc quand ils se font plus ou moins éliminer, j'en dirais pas plus, par la créature, mais bon, bien de ce qui va se passer, parce que la bande-annonce nous raconte déjà les trois quarts du film. Ah, comme d'habitude, hein. Comme d'habitude, et ben écoute, ça fonctionne, parce que quand même, il y a un espèce de processus d'évolution de la créature qui grandit à chaque fois qu'elle bouffe un autre, en fait. Mm-hmm. Donc, dans son... Et en fait, qui commence en étant une petite étoile de mer et qui finit en une espèce de poulpe épouvantable. Ouais. Donc, genre Kraken. Donc ça, à ce niveau-là, Ça fonctionne. Le problème, c'est comme je le disais, c'est extrêmement mal écrit. Pour donner un exemple, il y a un passage où il y a un des membres de l'équipage qui meurt et où tu as Jake Gyllenhaal qui sort la pire réplique de sa carrière, dans ce qui est très probablement d'ailleurs le pire rôle de sa carrière, qui dit: Oh, quand même, je sais, c'est triste de voir un ami mourir. Voilà, c'est pour donner le ton du film, c'est-à-dire qu'après ils vont nous sortir une cantine pardon, qu'ils écoutaient quand ils étaient enfants, voilà, sur Adieu les étoiles, Adieu machin, c'est-à-dire qu'ils te pompent absolument tous les films de science-fiction horrifiques qu'on avait eu avant, c'est-à-dire que ce soit même Gravity, même des films comme ça qui pompaient déjà un petit peu, tu vois, ils repompent vraiment, ils repompent à fond. Et ce qui est formidable avec le film, c'est qu'il invente en plus la référence inversée. Alors ça, c'est assez formidable parce que il arrive, c'est au début en fait, il se balade, pour donner un exemple, il se balade dans le vaisseau machin truc, et t'as un des personnages qui sort un truc et je jure que c'est vrai. Ah bah tiens, j'ai un bon pressentiment. Voilà, donc c'est-à-dire qu'en fait, le film est arrivé à un tel niveau de médiocrité intellectuelle, c'est-à-dire qu'il va même pas chercher à faire des références subtiles ou même à dire j'ai un mauvais pressentiment, un truc qui te fera vaguement sourire. Non, il va dire j'ai un bon pressentiment. Comme ça, c'est un plagiat, mais c'est pas grave, tu vois, parce que c'est à l'envers, le spectateur il va pas comprendre, tu vois. Donc voilà. Donc c'est toujours pour te dire que c'est terrible de dire du de dire Mais de. est-ce que tu l'as vu en VO ou en VF? Ah non, je cite en VF, mais je l'ai vu en VO. Je l'ai vu en VO. D'accord, ok. Je suis Non, juste parce que en je me suis VF dit, c'est pour. peut-être une blague du traducteur, hein, on sait jamais, Ah non, attention, attention, non, c'est le scénariste qui est super fier de sa blague, hein. C'est pas le traducteur. mais... Le pauvre traducteur, il fait que faire son boulot, hein. J'aimerais pas être traducteur, franchement, quand tu traduis des films comme Life, Ah oui, non, mais ça c'est c'est sûr, épouvantable, c'est terrible, tu fais pas. C'est un boulot, hein. C'est comme défendre un criminel, c'est pareil, c'est un avocat, c'est-à-dire que vraiment, c'est. Tu choisis pas vraiment le film pour lequel tu vas traduire, hein. C'est-à-dire que tu as l'impression, ça c'est-à-dire qu'en fait, que tu as l'impression de défendre des condamnés à mort, ou tu vois, tu as l'impression des types qui ont fait des trucs épouvantables, tu vois. Non, vraiment, c'est exactement ça. Et je pense que le travail de traduction pour Life, ça a été ça. Il y a des passages très risibles. Bon, je vais pas, je sais pas si on a le droit de spoiler ici, mais je vais pas spoiler la fin. Ouais, la spoil Mais. pas parce que il est encore au cinéma et puis je pense que peut-être qu'il y Ouais, a des gens qui vont le bon, voir ouais. malgré Je tout. vais pas spoiler la fin, mais sachez que c'est très probablement le pire twist de l'histoire du cinéma. Et d'ailleurs, Alien Covenant, c'est ça qui est cool, a quasiment le même. D'accord. Non, mais c'est à ce point-là que c'est épouvantable. C'est-à-dire que c'est ce que j'expliquais, c'est que Alien Covenant est tellement mauvais que déjà, il est plus mauvais que son plagiat. Mais qu'en plus, il a les mêmes idées à la con, quoi, tu vois. Donc c'est pour tout ça pour te dire que finalement, bah, on est vachement mieux avec le plagiat. Donc c'est un peu le message de Life, le truc. Donc voilà, tout ça pour dire que le twist à la fin, j'en dis pas plus, mais c'est quelque chose de complètement. Pour te dire, on l'a vu en projection avec un ami, et l'ami a compris très vite ce qui allait se passer, et quand c'est arrivé, il a explosé de rire. Et D'accord. il est pas tout seul, là, dans la salle, il y a plusieurs personnes qui ont explosé de rire à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est pas possible à ce point Ouais. d'avoir aucune inventivité. Et ce qui m'étonne, c'est qu'en plus, Life, je trouve qu'il y a une certaine. Les gens aiment plutôt ça, quoi. C'est-à-dire que même au niveau des critiques, c'est pas un film qui est détesté. J'écoutais Le Masque et la Plume, là, il y a pas longtemps, et ils ont tous plus ou moins aimé le film, du genre, oh oui, c'est plagiat, mais c'est divertissant. Sauf que pour moi, le problème au cinéma, c'est que dès qu'il y a plus d'originalité, c'est mauvais. Je veux dire, moi, je veux Oui. bien qu'on essaie de rattraper le film, je veux bien qu'on essaie de dire qu'il y a de l'attention et que finalement, ça fonctionne plutôt bien, je suis le premier à le dire. Mais de là à dire c'était sympa et à le recommander, enfin, je veux dire, non, je préfère revoir Alien 1000 fois, tu vois, que de me taper des. Parce qu'en plus, ben, le pire, c'est que j'y croyais pas une seconde, même si le casting est incroyable. Je veux dire, il y a Ryan Reynolds. Qui t'as l'impression qu'il fait du contre-emploi, mais en fait il fait le Ryan Reynolds show pendant tout le film. T'as Jake Gyllenhaal qui, je pensais qu'il était plus capable de faire un mauvais film depuis Prince of Persia, qui en vrai était finalement pas si mal par rapport à Par Life. rapport à la vie, Et d'accord. finalement, bah, il retombe, tu vois, dans des daubes. T'as Rebecca Ferguson, tu te disais, oh, elle a fait Mission Impossible, tu vois, elle est back on track, elle va faire des super films. Putain, elle se fait Life. Enfin, vraiment, c'est pour te dire que ce film, c'est vraiment un gouffre. C'est un gouffre culturel. C'est un gouffre pour les pauvres acteurs là-dedans qui n'ont rien demandé. C'est un gouffre pour ce pauvre Daniel Espinosa. J'ai pas tellement regardé ce qu'il a fait avant, mais enfin, je sais pas s'il a fait beaucoup de films et je sais pas s'il en refera beaucoup vu que le film n'a pas, il me semble, pas tellement marché. Encore heureux parce que je sais pas si j'ai envie de voir un autre film de lui. Mais enfin, tout ça pour te dire que voilà, c'était pour apporter ma petite dose de négativisme à ce podcast que je trouvais beaucoup trop positif. Pour dire que voilà, Life, c'est vraiment pas très bon. Je veux dire, si vous avez rien à voir, autant ne pas voir grand chose, quoi. Voilà. Je vais m'arrêter là, je pense, parce que D'accord, je pas vais de devenir soucis. agressif. Bon bah c'est bon, c'est nickel. Mais n'allez pas voir Alien non plus. Hein. Cela dit. Bon. On en parlera la semaine prochaine. Le mois prochain, pardon. Donc, maintenant qu'Adrien a parlé rapidement de Life, moi je vais parler rapidement de Cessez le feu. Donc, pour raconter un peu l'histoire de ce film, enfin de ce qui m'a amené à aller voir ce film plutôt, c'est que je voulais aller voir Les Gardiens de la Galaxie à la base, mais je suis arrivé un peu trop tard au cinéma. Et, ah oui. Et, ça arrive. Voilà. Et donc, il n'y avait plus de place pour Les Gardiens de la Galaxie. Oui, parce que c'est un petit cinéma avec une centaine de places. Et c'était quasiment 2 jours après la sortie, donc voilà, il y a tout le monde qui voulait aller voir. Vu que c'était pas très attendu comme voilà, film, c'est Les Gardiens de la Galaxie, les salles se remplissent. C'est ça, c'est ça. Comme les salles sont toutes petites. Exactement. Donc, Et sérieusement, je l'ai vu dans une petite salle, moi. Ouais, mais moi aussi. Ouais. Ah, pas moi. Il y avait genre 250 places, pas plus. Hein. Mm-hmm. Mais ouais, non, franchement, mais on parlera des Gardiens de la Galaxie plus tard. Donc voilà, je suis arrivé au guichet, il n'y avait plus de place, donc en attendant, je me disais, bon, bah, je vais voir quel film. Et j'ai pris un film au hasard, et j'avais jamais fait ça. Et c'est une expérience assez intéressante, on va dire. Parce que je ne savais pas du tout de quoi le film parlait, à part que Romain Duris était sur une barque sur l'affiche, et c'est tout ce que j'avais vu. Donc je me suis dit, bon, ouais. Ah, mais c'est avec Céline. Céline Salette. Ah, mais forcément, le film ne peut qu'être bon, alors. On va voir. Bon, parce qu'elle est formidable. Au niveau des acteurs, bon. D'accord, alors fais gaffe à ce que tu vas dire, parce que... alors non, déjà, elle est chier, pour commencer. franchement, j'avais pas entendu parler du film, je ne savais pas de quoi ça parlait. Ça se passe pendant la Première Guerre mondiale. C'est un peu l'histoire des Invalides après la Première Guerre mondiale, pardon. Dans le film, il y a Romain Duris et Grégory Gadebois qui jouent des frères qui ont été traumatisés par la guerre. Donc Grégory Gadebois qui est Marcel et qui est devenu sourd et qui essaye En fait, il est devenu sourd, mais on va comprendre au fur et à mesure que il est pas sourd à cause d'un problème physique, c'est plus un problème psychologique. D'accord. Voilà, il va pouvoir régler ça. Bon, c'est pas vraiment un spoiler parce que ça arrive. Ça arrive assez rapidement, mais c'est quand même quelque chose qui vient dans le film. Donc voilà, il va rencontrer une professeure de langue de signes et ça va débloquer ses capacités. Enfin, voilà, c'est un film assez cliché. Et comment dire, le réalisateur, c'est son premier film, il me semble. Oui, je crois que j'ai vu que c'était son premier film. J'ai l'impression qu'il sait pas vraiment où il veut en venir, en fait, parce qu'il y a il y a plein de petites histoires qui s'accumulent mais qui vont nulle part. Et à la fin, on est arrivé à la fin du film, on a l'impression qu'il s'est pas passé grand chose, quoi, que c'était juste un petit peu la vie après la Première Guerre mondiale, comment les soldats survivaient, etc. Il y a une histoire d'amour, il y a une histoire de jalousie, une histoire de trahison, enfin voilà. Et c'est pas, il n'y a rien qui est intelligemment écrit, le réalisateur ne sait pas ce qu'il veut dire. Alors les acteurs sont plutôt bons, d'ailleurs il y a même pour dire à quel point le film parle de n'importe quoi, c'est que un des frères est parti en Afrique pendant 3 ans. Et ça coupe à certains moments. Déjà, le montage est horrible. Parce que c'est vraiment. On est en France à un moment, pendant 10-15 minutes. Et puis après, on a quelques secondes en Afrique. On retourne en France pendant quelques secondes. Après, on passe 10 minutes en Afrique. Enfin, le montage est absolument. Il est vraiment horrible. Et ça aide pas à apprécier l'histoire, en fait. J'ai pas grand chose d'autre à dire. En fait, c'est vraiment dommage parce que je pense que ça aurait pu être un bon film avec de bonnes thématiques, mais le réalisateur ne savait pas du tout où aller. Et c'est aussi le scénariste du film. Donc voilà. Donc les acteurs sont plutôt bons. Ça, c'est un truc à souligner. Romain Duris, Grégory Gadebois et Céline Salette sont. Et les autres, les autres, ça dépend. Il y a. La mère des deux frères qui surjoue vraiment beaucoup, je trouve. Mais sinon, après, le reste du casting, ça va à peu près. J'ai pas grand-chose d'autre à dire parce que le film m'a pas marqué du tout. En fait, c'est un peu méchant de dire ça, mais c'est vraiment un téléfilm qui a été porté au cinéma, quoi. Mais... C'est anecdotique. Mais justement, en fait, il faut savoir que tu te demandais tout à l'heure si Emmanuel Courcol, qui est le réalisateur du film, ouais. n'avait rien fait d'autre. En fait, c'est un acteur à la base. Oui, voilà. Il a fait tout plein de choses, tout plein de trucs. Il a joué chez Lioray, il a joué chez Boutnik, il a joué chez Weber. Et aussi dans Joséphine Ange Gardien, voilà, on peut le noter. D'accord. Et s'il a scénarisé plein de trucs, il a scénarisé Boomerang, Mademoiselle, de Lioray, hein, pas de. Oui, voilà, mais c'est son premier film en tant que. Donc voilà, c'est son premier film. En fait, il a fait un court-métrage avant qui s'appelle Géraldine, je t'aime, mais sinon. Ouais, ouais, mais je trouve que l'argument du ouais, faut être indulgent, c'est son premier film. C'est pas ça. Ah, trop... non. Oui, je dis pas ça pour toi, mais c'est vrai que t'as beaucoup de gens qui. Ouais, mais bon, ça reste un premier film, donc faut. Bah oui, mais bon, faut être convaincant un minimum aussi. Ouais, quoi. Voilà. Le souci, c'est vraiment qu'on a l'impression de suivre une histoire anecdotique. Enfin, c'est un peu banal, quoi. On a déjà vu ça plein de fois. Les seules parties vraiment intéressantes, c'est en Afrique. C'est un peu montrer la vue extérieure et surtout enfin en Afrique de la Première Guerre mondiale, mais enfin puisque bon bien sûr en Afrique du Nord il y avait quelques conflits pendant la Première Guerre mondiale, mais non il y a pas il y avait pas attends je me trompe si si si ah pardon je si, j'ai cru que je m'étais trompé voilà mais c'est plus il est plus en Afrique subsaharienne et donc de là-bas ils en ont pas enfin tu vois il y avait pas les même maintenant il y a pas vraiment trop de médias etc pour informer de ce qui se passe dans le monde et tu vois comment ils réagissent à la vue d'un la première vue d'un fusil etc d'un casque etc enfin il leur explique comme si c'était des dieux qui se battaient entre eux. Enfin, il y avait des trucs intéressants sur cette partie. Et je pense que s'il était resté sur cette partie et pas parti dans cette histoire d'amour avec cette professeure de langue de signes, etc., ça aurait pu être intéressant. Mais voilà, il y a des bonnes idées. C'est pour ça que j'ai pas mis non plus j'ai mis un 6. J'ai été peut-être un peu trop gentil encore, mais. Ah oui, ça va. Non, j'étais vraiment 6 sur 10, mais j'étais vraiment trop gentil. Mais voilà, non, je me suis pas non plus ennuyé à mort pendant les parties en Afrique, mais les parties en France, elles sont vraiment chiantes. Ouais. Donc voilà. Je ne vous conseille pas d'aller voir ce film si vous l'avez vu n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé mais de ce que j'en ai vu sur Sens Critique et sur d'autres sites ça a pas marqué beaucoup de monde en tout cas. Voilà. Du coup t'as réussi vas-y. De toute façon, je vais te dire, vu le film, à mon avis, quand l'émission sera sortie, il passera plus. Hein, donc, Oui, oui, non, je pense que personne n'a vu passer. Hein. Moi, j'en avais pas du tout entendu parler. Ouais, moi, je découvre, les avis ont l'air assez unanimes. Ouais, ouais. Tu voulais dire quelque chose, Eddie? Mais du coup, t'as vu Les Gardiens de la Galaxie? Ah oui, je l'ai vu hier soir. Voilà. Ah oui, mais celui-là, tu l'as pas loupé quand même. Non, bien sûr, attends, on en parle. Ah non, parce que bon, Marvel, récemment, c'était pas ça. Hein. Oui. vas-y, moi je suis prêt pour faire un débat, mais pas tout de suite. Enfin bon, non, on en reparlera après, oui, mais il y a quand même des choses à mettre au clair. Voilà, oui. tout à fait. Donc, on va passer maintenant. Donc, Adrien voulait parler de la saga Pirates des Caraïbes. Faire un petit récapitulatif puisque le cinquième va... Il a parfaitement raison. Oui, bah oui, puisque le cinquième va bientôt sortir. De toute façon, je pense qu'on en parlera dans le prochain podcast. Moi, il faudra que je rattrape le 3 et le 4 puisque je ne les ai pas vus. Probabilité importante. Oui. j'ai pas vu le 3 et 4, donc je pourrais participer à la conversation qu'on va avoir maintenant. Ah, c'est pour ça que j'ai pas vu ta note sur le 3. D'accord. Oui, voilà, du 1 au 2. Bon, en même temps, vu les notes que t'as mis sur les deux autres, je suis pas sûr que tu t'éclates devant le 3. Mais bon. Le 1, j'aime bien, mais je sais plus quelle note j'ai mis. J'ai dû mettre un 7 ou un 6. 6. Un 6. Ah, oh, bon, je vais mettre un 7. J'ai... Ah, le 1, okay, il est la super. La corruption, ok. Tu t'as passé 10 euros là avant l'enregistrement. Allez, mets un 7. Mais enfin, parfois j'ai mis. Je sais pas pourquoi j'ai mis cette note. Bon, c'est pas grave. Ce que je voulais dire, c'est que vas-y, Adrien, tu voulais donc parler. Je vais te laisser. Et enfin, on va intervenir, bien sûr. Enfin, moi pour les deux premiers, Eddie, puisque tu fais la rétrospective, je place ça rapidement sur Moviner de tes critiques sur Pirates des Caraïbes. T'as posté hier ou avant-hier la deuxième. J'ai posté. Le problème, c'est que je suis con. J'aurais dû m'y prendre une semaine avant. Ah oui, parce que tu vas être un peu en retard sur la. Oui, du coup, c'est qu'il y a Il y a 4 films et je me retrouve avec 3 semaines. Ouais, ouais. Il y a comme un problème. Et donc là, du coup, j'en ai posté une vendredi, j'en ai posté une aujourd'hui. Et du coup, les deux autres, ce sera vendredi qui vient et celui d'après. Ok, voilà. Comme ça, vous êtes informés. Et ben, vas-y, Adrien, je t'en prie. Écoute, la saga Pirates des Caraïbes, moi je l'affectionnais tout particulièrement. Et donc, elle approche évidemment de ce cinquième volet qui a plutôt de bonnes critiques et qui a l'air vraiment. On en parlait dans le dernier Parlons Cinéma, il me semble, a l'air vraiment plutôt convaincant. Mm-hmm. Et il y a quand même les affiches les plus moches du monde, je trouve. Ouais, mais ça chez Disney, tu sais, vraiment. On est habitué. Ouais, on est habitué, c'est ça. Moi, ça me choque plus à force. Hein. Enfin, non, quoique je suis méchant, la dernière pour l'IMAX, c'est pas mal. Quoi. Je l'ai même pas vu, tu sais. Je sais pas laquelle c'est. Et donc, je me l'ai survu pour l'occasion. Et pour résoudre une question fondamentale à toute mon existence, qui était de savoir pourquoi les gens aiment pas le 4, alors que moi ça a toujours été mon préféré. Donc, parce que t'es bizarre, toi. Mais attention, parce que je les ai revus et j'ai compris. Mmh. Parce que maintenant mon classement c'est 1, 2, 4, 3. Le 2. Le 2. Ah oui. Oui, t'as pas vu le 3 et le 4, c'est pour ça que tu es surpris. Et donc voilà, tout ça pour dire. En fait, ce qui est intéressant avec la saga Pirates des Caraïbes, c'est que les 3 premiers films ont été faits par le même auteur, mais ne se ressemblent pas vraiment. En tout cas, le 1 et le 2 et le 3 ensemble, puisque c'est un seul film divisé en deux parties. Le 1 a vraiment rien à voir avec les autres. Voilà, et ce qui est intéressant avec le 4, c'est qu'il reprend des trucs du 1. Mais pas des trucs du 2, et ce qui fait qu'on l'a pas aimé. Je donne un exemple tout con. Le 1, par exemple, c'était un espèce de film un peu humoristique, un film d'aventure humoristique, avec 2-3 petites touches de fantastique. Pas de quoi casser 3 pattes à un canard, il y avait pas tellement, il me semble, pour l'avoir revu récemment, de poésie dans le film. Alors que le 2 et le 3, c'était beaucoup plus fantastique, beaucoup plus grave aussi, il y avait plus tellement d'humour. Bah, rien que le début du 2. Voilà, c'est avec l'ouverture sous la pluie, Elisabeth là avec un robe de mariée et tout, c'est vrai que c'est oui, il y a un parti pris visuel en tout cas. Voilà, il y a des enjeux dramatiques qui sont posés très directement. Et en fait, il y avait surtout beaucoup de choses poétiques. Je pense notamment au troisième film avec le bateau qui se retourne, juste cette image là en fait. Il y avait beaucoup d'idées poétiques. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on s'est habitué, comme pour James Bond avec les films récents, en fait, c'est qu'on s'est habitué à une image de Pirates des Caraïbes qui est cette espèce de film d'action. Poétique avec plein d'enjeux dramatiques, plein de choses, ce qui fait qu'en fait Pirates des Caraïbes 4, qui a ses problèmes, hein, que je nie pas, qui est un film assez mou, arrive comme une fleur en réinsufflant en fait l'humour qu'avait le premier film dans la saga, mais en oubliant la chose essentielle qui est déjà d'avoir de l'aventure, ce qui fait que je pense que c'est le film avec l'action la plus molle de toute l'histoire de la saga. Mais aussi, ça manque surtout, de bataille navale. Ça manque de bataille navale, aussi ça manque de poésie, c'est-à-dire qu'à part la sirène, l'histoire un peu niaiseuse avec la sirène qui s'appelle Sirena. Oui, non mais ça voilà, c'est la sirène du film. Tu vois, t'aurais pu croire que c'est une parodie, mais non, c'est vraiment le cas. Et en plus, c'est au premier degré. Elle s'appelle Sirena. Non, je te jure. Et en plus, c'est même pas un gag du film, c'est-à-dire que personne fait de remarques sur le fait que le nom il est niais. Non, tout le monde a trouvé ça parfaitement normal et émouvant, tu vois. Tout ça pour te dire qu'en fait. Ce qui est bien avec Pirates des Caraïbes 4 en soi, c'est qu'il a réinsufflé tout l'intérêt en fait du premier film qui était de l'humour, c'est-à-dire que toute la relation de Jack avec Penelope Cruz, ce genre de choses, vraiment c'est des choses qui sont très bien. Je trouve que ça fonctionne bien en plus. C'est bizarre qu'elles reviennent pas dans le prochain. Bah, en fait, ils ont essayé aussi, je pense, de reproduire des schémas qu'il y avait aussi dans le 2 et le 3, dans le 1, le 2 et le 3 pour le coup, notamment dans les relations amoureuses. Où on avait enfin réussi à se débarrasser de ce truc insupportable qui était la relation entre Turner et Elizabeth Swann, qui est quand même jouée de manière épouvantable par une actrice que je considère comme Keira Knightley, que je considère comme une des plus grosses blagues du cinéma actuel. Pas que celui-là. Elle est pas mal. Et dans Dangerous Method, Cronenberg arrive à peu près à user de son talent pour faire un personnage. Non, justement, là, non, par contre. On va pas être d'accord du tout. C'est pour tout ça pour dire que bon, Keira Knightley, je pense qu'on est... Est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'elle est épouvantable dans Pirates des Caraïbes ? Non. Ok, donc le passage où elle rit avec les autres... Mais non, c'est pas épouvantable. Elle est pas épouvantable parce que c'est burlesque. Oh, son personnage, il est pas burlesque, il est d'un premier degré. Ah, il y a des situations... Moi, j'ai revu le... On a revu le 2, il y a quoi, il y a 2 jours. Ouais. Si, il y a des moments, c'est burlesque. Ah quand, ouais. ils arrivent sur l'île, quand ils arrivent sur l'île là pour ouais. trouver le cœur de Davy Jones, c'est évidemment c'est grossier sa manière de jouer. Son personnage en premier degré permanent, c'est ça qui est insupportable. Je trouve qu'en fait, Pirates mais à ce moment-là, Johnny Depp il est épouvantable aussi. Ah. Bah non, mais non, parce que Johnny Depp, il, justement, c'est ça. C'est du cabotinage à fond. Enfin, oui, mais il tient son personnage, lui, alors qu'Elizabeth Swann. Mais c'est un parti pris aussi de le faire comme ça. Ouais, mais c'est pas parce que c'est un parti pris que c'est bien. Là en l'occurrence tout ça pour dire qu'en fait donc dans le 4 en fait ils ont repris le schéma du coup on avait enfin réussi à se débarrasser de cette romance que je trouve niaiseuse pour en fait nous remettre Sirena et le jeune beau là donc, ce qui fait qu'en fait mais c'est encore plus niaiseux tout à fait en fait ils ont reproduit les trucs qui étaient bien dans la saga c'est-à-dire l'humour machin truc mais ils nous rajoutent des trucs encore pires c'est-à-dire que Pirates des Caraïbes je trouve que c'est le 1 x2, c'est-à-dire que c'est à la fois super drôle, super machin, super machin, mais d'un autre côté, c'est aussi chiant sur certains points, et même beaucoup plus chiant. Ce qui fait qu'en fait, ma conclusion sur Pirates des Caraïbes, c'est que c'est super chouette, c'est que j'ai hâte de voir le cinquième, parce que je suis très positif sur cette saga, mais je me dis que s'ils pouvaient partir un petit peu ailleurs et revenir peut-être à des enjeux dramatiques tout en conservant, et ce serait la force du film, je pense, un humour en fait, et ça j'ai l'impression que Javier Bardem le fait très bien dans la bande annonce quand il dit notamment Can you find Jack Sparrow et qu'il insiste derrière alors qu'il n'y a plus de musique. Il y a vraiment des choses qui sont très très drôles, je trouve, dans la bande annonce en fait. Et pourtant, il y a l'air d'avoir des enjeux dramatiques, donc je me dis qu'ils ont peut-être enfin réussi à faire la symbiose entre les quatre films et à récupérer que le positif. Et même la romance avec qui a l'air de s'annoncer avec Kaya Scodelario, ça a l'air d'être plutôt sur le ton de la blague en fait. Donc j'attends de voir, mais moi je pense qu'on peut avoir une bonne surprise à ce niveau-là. Mais par contre, pour moi, Javier Bardem dans la bande-annonce, il est horrible, hein, il surjoue à mort. J'ai pas l'impression que, en plus, j'ai l'impression qu'il se prend trop au sérieux. Je suis pas sûr. Je pense qu'il y a beaucoup de dérision. J'attends de voir le film, mais je pense qu'il y a beaucoup de dérision. Ouais, je pense qu'il faut pas trop se fier à une bande-annonce non plus, mais. Oui. Après, de toute façon, je pense, c'est pas des méchants hyper profonds. Hein. Hormis Davy Jones qui a quand même un. Il faut avoir vu le 3 pour. Voilà. Oui, dans le 2, tu peux pas te rendre compte, mais à partir du 3, tu te rends. Enfin, Davy Jones, oui, c'est un méchant qui a une vraie histoire. Il est très émouvant, Davy Jones. Je trouve vraiment que c'est un excellent personnage. Puis, Bill Nighy, il le campe très bien, je trouve. Ouais. Mais, bon. Après, on verra, hein, Javier Bardem, ça reste quand même un bon acteur. Ah, bah, tout à fait. Personnellement, à part dans The Last Space, j'ai été rarement déçu. Je pense pas qu'il nous fasse un méchant si horrible que ça, quoi. Enfin... Non, moi je pense qu'il va. Après, c'est le côté fantomatique du truc, moi, qui me perturbe un peu. Là, les cheveux, ça rend pas très bien. Moi, ça me plaît bien, ça. Ça ressemble au. Ça devrait être cool, mais je trouve que c'est. Je sais pas, dans la bande-annonce, ça paraît bizarre. Donc, après, on verra. Hein. C'est que c'est toujours compliqué de parler d'un film sur une bande-annonce. C'est sûr. D'autant plus qu'elles se contredisent un peu, les bandes-annonces de Pirates des Caraïbes, je trouve, en plus. Donc. Il y a un côté avec des flashbacks, avec une reprise en image de synthèse de Johnny Depp, super moche. Et de l'autre côté, t'as des plans super pour ça, c'est des bateaux aussi, et tout ça. Donc je sais pas tellement quel va être le parti pris, c'est très bizarre. Mm-hmm. Ok. Edith, t'as quelque chose à rajouter ou... Bah du coup, moi ce que je dirais, c'est que... Moi c'est pareil, c'est une... Quand je les revois, je me rends compte que c'est vraiment une franchise que j'aime beaucoup. Mm-hmm. Mais c'est un tout, c'est pas juste les films en eux-mêmes, même si je trouve que les trois premiers de Verbinski c'est très généreux au niveau du divertissement, et ça me plaît bien. Tout à fait. C'est un peu mon Pacific Rim à moi, par exemple. D'accord. Il y en a beaucoup voilà, qui comprenaient pas, oui, Pacific Rim c'est super cool, je comprends pas pourquoi t'es pas plus fan que ça, parce que j'aime bien, mais c'est pas, moi je suis plus, je suis moins SF. Que ça en fait. Donc du coup, c'est vrai que c'est moi le 3, je le vis plus comme un gros truc de très généreux, et c'est vrai que c'est pour ça que j'aime beaucoup le 3. Mais après je les aime tous, hein. C'est vrai que le premier, il a quand même une saveur particulière. Et c'est intéressant ce que tu dis, Adrien, sur le 4, c'est que c'est vrai que ça reprend un peu ce que faisait le premier. C'est plus humble en fait que le 2 et le 3. Voilà, tout à fait, ça se prend beaucoup moins en sérieux en fait. Donc c'est ça qui m'intéresse, ça. Moi aussi. Mais pour autant, c'est pas du second degré hyper lourd et parodique, tu vois, comme ça pourrait l'être. C'est juste drôle en fait, en quelque sorte. Et après, il y a plein de choses, parce que le 3 par exemple, y a un côté très western aussi dans le 3. D'accord. Moi je trouve. Et donc après, oui, moi c'est ce que je dirais, c'est que c'est une franchise qui est intéressante, parce que effectivement les films se suivent, elles se ressemblent pas. Même si dans le 2 ça amorce quand même bien le 3 au niveau de l'action et de la mythologie, et ouais, c'est ça que je voulais dire, c'est que c'est cet univers qui me plaît bien. C'est qu'au départ, ça part, oui, ça part avec des pirates maudits qui du coup peuvent pas mourir dans le premier. Et après, c'est vrai que ça, ils étendent vraiment l'univers et du coup, il y a toute une mythologie comme ça maritime. Oui, ça reprend Calypso et tout ça. C'est ça qui est vachement intéressant en fait. Ouais. Et ça me plaît bien parce que c'est pas le genre de truc qu'on a beaucoup vu finalement. Ouais, des films de pirates, il y en a quasiment pas du tout. Les films de pirates, il y en a eu, mais c'était très terre à terre. Ouais, c'est ça. C'était, il y avait pas de Kraken, il y avait pas de, il y avait pas Calypso, il y avait pas de les Maelstrom et tout ça. Donc c'est vrai que c'est intéressant de voir ça, et surtout avec les moyens que Disney peuvent mettre, parce que vous pouvez oublier que c'est quand même. Bruckheimer aussi. Et Bruckheimer, oui. Bah, ouais. Enfin bon, Bruckheimer. C'est quand même un producteur. Oui, mais bon, faut voir ce qu'il a produit. Hein. Oui, bah oui, non, mais justement, c'est. Il a pas produit que des chefs-d'œuvre. Non, justement, c'est non, un oui, producteur sûr, qui fait des super films vraiment énormes, enfin des budgets complètement démesurés. Oui. Bah, c'est en partie grâce à lui. Après, c'est pas pour autant, c'est pas parce qu'il a produit Pirates des Caraïbes que, voilà, pour moi, c'est pas une référence non plus. Ah oui, non, bien sûr. Enfin, à mes yeux, en tout cas. Pour moi, c'est les réalisateurs qui sont des références, c'est pas les producteurs. C'est ça. Façon, ouais. Donc, forcément, quand tu passes de Gore Verbinski à Rob Marshall, y a un souci. Un Rob Marshall, franchement, à part, c'est quoi, c'est son rayon, non, Chicago. Rob Marshall. Non, c'est Kenneth Branagh. Ah, il a fait Moulin Rouge. Ouais, enfin, il a fait une comédie musicale que j'ai pas vue, forcément. Roméo plus. Mais non, c'est pas Rob Marshall, ça. Non, Roméo plus Juliette, c'est Baz Luhrmann. Ah oui, et Moulin Rouge aussi, il me semble, non? Bah oui. Je sais plus, l'un des deux. Enfin, oui, il a dû faire Chicago alors. Rob Marshall. Oui, il a fait Chicago. Et donc, ouais. Moi, la seule référence que j'avais lue avant de voir Pirates des Caraïbes 4, c'était sa comédie musicale toute pourrie, là, avec. Daniel Day-Lewis, là. Nine. Ah oui, il y a Nine et Into the Woods aussi. Oui, alors ça pareil, c'était horrible. Donc oui, le 4. Après, c'est pas que j'aime pas le 4. Moi, je l'apprécie, ça reste un film d'aventure, quoi. Mais, c'est un drôle de film, en fait. C'est un film d'aventure qui manque d'aventure, c'est ça le problème. C'est ça le problème, c'est que quand ça suit la générosité de Verbinski, c'est vrai que c'est un drôle de film, quoi, en fait. Mais en fait, on redescend. Oui, c'est ça, et le souci, je pense que c'est ce qui a un peu plombé la franchise, parce que ça fait plus l'unanimité comme ça a pu faire avec le premier, c'est que c'est monté crescendo avec les épisodes 2 et 3. Et puis du coup, quand t'arrives sur le 4, tu t'attends. Et pourtant, et c'était trompeur parce que la bande-annonce nous le vendait bien, le 4. Et on redescend du coup. Il n'était pas sorti pour le festival de Cannes, justement, en plus. Il me semble, le 4. Là, je sais plus. Ouais, si. Sur un film comme ça, ouais, il me semble, ouais. Après. En ouverture, pas en compétition. Non, en ouverture, ouais. Mais du coup, c'est vrai que oui, on retombe un peu. Après, il y a quand même des bonnes scènes. La scène avec les sirènes et le phare à baleine et tout, là, c'est pas mal. Tout le début du film à Londres est quand même très sympa, je trouve. Non, mais puis c'est très. Oui, voilà, non, mais c'est un bon film, hein, c'est vraiment drôle. Le problème, c'est qu'en fait, l'ambiance, quand on se l'est fait à la suite notamment, est vraiment extrêmement différente, quoi. C'est vrai que c'est difficile de s'habituer, de s'accoutumer. Ouais. Après, il y a des trucs qui bougent pas. Enfin, la bande originale est très bien, que ça soit dans les trois premiers ou dans le quatrième. Enfin, et visuellement, c'est beau. Enfin, moi, je suis quand même bluffé de voir. Enfin, surtout quand j'ai revu le deuxième, qui date quand même de 2006. Ah, ça n'a pas pris une ride. Hein. Quand je vois la qualité des effets spéciaux, c'est autant le premier, on voit que ça a vieilli à certains endroits. Oui, il y a du fond vert, quoi. Il y a du fond vert dans le premier quand même. Voilà. Ouais. Mais par contre, c'est vrai que le 2. Le Kraken, il est hyper réaliste. Je trouve vraiment, il est. Ah ouais. C'est vraiment, ouais. Mais même David Jones, hein, les plans rapprochés sur David Jones, les tentacules et non, tout, mais c'est vraiment. Sur le détail, il y a un travail incroyable. C'est très très propre au niveau des textures et tout. Et il y a des films sortis plus récemment qui vont moins bien vieillir que ça. Ouais, tout à fait. Ça c'est sûr. La momie, oui, je pense. du coup, qu'est-ce que je dirais de plus? C'est tout, quoi. Ouais. Moi, c'est une franchise que j'aime bien, qui a évidemment, comme dans toute franchise, hein, des hauts, des bas. Ouais. Maintenant, oui, j'attends bien le 5. Parce que je suis toujours curieux, je pense, de voir un nouveau film. Et puis, je pense qu'il y a. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? J'entends comme aussi, si quelqu'un tapait sur le micro. Et je pense que c'est que j'aime trop le personnage de Jack Sparrow aussi. Ouais, ok, pas de soucis. Après, je sais que ça plaît pas à tout le monde, mais moi c'est un personnage qui me plaît bien. Non, mais c'est toujours un plaisir de le retrouver de toute façon, même dans la bande-annonce, moi c'est vraiment un plaisir, quoi. Mais cela dit, il est habitué au Madeleine, Rob Marshall, puisque c'est lui qui va réaliser Mary Poppins, le retour. C'est ça. Ouais. C'est pour ça que ce film me fait peur aussi. En 2018. Moi, je l'attends. Voilà. Non, Pirates des Caraïbes, comme je l'ai dit, j'ai vu le... Enfin, j'aime beaucoup le premier. Même si je lui ai mis, je sais pas quoi, j'ai sûrement mis encore une note, voilà, il faut que je remonte. Calomnie. Voilà, j'aime beaucoup, oui, j'avais reçu la cassette vidéo à mon anniversaire, attention. Waouh! Non, j'aime beaucoup le premier, je passe toujours un bon moment devant, mais pour moi, là où j'ai vraiment eu du mal, c'est avec le deuxième, et pourtant je l'avais retenté deux ou trois fois au moins. Oui, parce que tu voulais pas y croire, tu voulais pas te dire. Mais je me suis ennuyé, mais limite je dormais à chaque séance, enfin à chaque fois que je le voyais, quoi. C'est ah le bon film, il m'ennuie, mais pourtant ça une bouge. Force profonde, quoi. Et puis bon, Johnny Depp avec les yeux, machin. Enfin voilà, je trouve, enfin c'est un peu trop. J'aime bien, moi, ouais. Je trouve ça fun. Moi. Je sais pas, je. C'est le seul film que j'aime bien avec des cannibales. C'est vrai. Non, mais enfin voilà. Après, j'ai pas vu la suite, donc je pourrais pas trop en parler. J'essaierai. Ah, ça se tente. Je pense que j'essaierai de me refaire la saga avant. Enfin, j'irai sûrement aller voir le. J'irai sûrement voir le premier. Le cinquième. Voilà, là, je suis en train de perdre mes mots. J'irai sûrement voir le cinquième. Donc il faut sûrement. Enfin, il faudra que je voie les autres avant. Voilà, je pense que c'est tout ce que mais surtout que c'est vrai que les histoires se suivent quand même. Bon, le 4, enfin, le 3 a bien une. Se termine. C'est vrai que le 4, après le 3, il aurait pu ne plus avoir de film. Le 4 a une conclusion quand même. Je pense qu'il faut quand même le voir parce qu'il y a vraiment une conclusion qui, je pense, sera suivie. D'accord. Du 4, je pense qu'il y a quand même une. La fin du 4 ouais. Où, je vais pas raconter la fin, mais en gros, il y a quand même un espèce de. De finale, notamment par rapport au Black Pearl ou quoi que ce soit, qui je pense sera très utilisé dans le film. Ouais. D'accord. Oui, ben il n'y a pas plus d'enjeu, quoi. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un film indépendant complètement de la. Il ouvre de nouvelles pistes. Voilà, quoi. Tout à fait. Ok, nickel. C'était sur la saga Pirates des Caraïbes. Et puis, si, ce qu'on n'a pas dit quand même, et c'est, je pense que c'est important, c'est que le premier, faut pas oublier que c'est quand même un coup de poker. Ah oui, bah oui, c'est un film sur une attraction des années 60. C'est ça, c'est que autant l'attraction dans les parcs Disney, qui est vraiment très bien, encensé Disney, mais l'attraction, franchement, c'est un des incontournables quand tu y vas, c'est magnifique, c'est un vrai parcours, t'es dans des bateaux, hein, c'est pas une montagne russe et tout, il y a une ou deux descentes, mais c'est rien, mais c'est vraiment du décor et tout, et c'est vrai que l'attraction est super cool, et tu te dis, partir de ça. Parce qu'il faut savoir que toutes les attractions à Disney sont scénarisées. Et surtout en France, où on est plus exigeant, en fait. Ouais. Bah, ils scénarisent pas leurs films, alors c'est mieux de scénariser les attractions. Ça c'est dit. mais du coup, c'est vrai que... Films, normalement, hein, je crois. Enfin, quasiment toutes. Voilà, en fait, c'est ça, c'est que quand tu y vas, bah oui, tu vas avoir l'attraction, je sais pas, moi, tu vois, par exemple, t'as le labyrinthe d'Alice au Pays des Merveilles, t'as Peter Pan, enfin, t'as plein de... Mais en fait, Pirates des Caraïbes, ça a fait le chemin inverse. Ouais. Oui, tout à fait, ça vient de l'attraction. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que on sait qu'une attraction sera portée en film dans les parcs Disney, mais jamais l'inverse, c'est rare. Du coup, c'est pour ça que c'était, ça, soit ça marchait, soit ça marchait pas. Voilà, c'est ça. Et je suis content que ça ait marché. Et c'est vrai que, du coup, moi, j'ai découvert l'attraction après avoir vu le film. Mais ça change rien, quoi. C'est pour ça que. Mais quand tu vois l'attraction, tu te dis, c'est vrai que c'est suffisamment cool pour te donner l'idée d'en faire un film derrière. Ouais, tout à fait. Mais dans l'attraction, il y a genre une histoire à suivre quand tu passes. C'est en fait, t'embarques dans un bateau et tu suis. Tu traverses différents décors avec des bateaux pas à taille réelle, mais avec quand même de bonne taille. T'as des coffres au trésor, des machins. Et en fait, tu traverses une ville. Une ville comme Port-Royal, dans le premier, qui est prise d'assaut. Bah, de toute façon, l'assaut de Port-Royal dans le premier, c'est une référence directe à l'attraction. Ouais. Et il y a des passages, par exemple, on voit un homme, c'est dans le 2 qu'on le voit ça, on voit un homme qui est dans un puits, qui remonte, qui descend, et les pirates s'amusent avec ça. Ça, c'est une référence à l'attraction. D'accord. Le chien avec les clés, c'est une référence à l'attraction aussi. D'accord. Voilà, c'est des petits. Mais c'est, le film s'inspire simplement, hein. C'est pas du tout la même histoire que le film. Par contre, là, ça, c'est la version qu'on a en France, c'était la version originale qu'il y avait dans tous les parcs Disney. Ouais. Maintenant, tous les parcs Disney se sont alignés sur les films, ce qui fait que dans l'attraction, on retrouve les personnages clés des films. Alors, je pense que la scénarisation des attractions doit changer aussi. Tout à fait. D'accord. Un petit peu. Ouais. D'ailleurs, il y a eu. Enfin, je sais pas si vous l'avez vu rapidement sur Facebook, il y a une vidéo qui a tourné où c'était. Oui, Johnny Depp. Enfin, oui. Johnny Depp qui est. C'est quand même super cool ça. Non, franchement, c'était vraiment très cool. Franchement, tu rêverais d'être dans ces 2-3 bateaux qui sont passés. Ah bah oui. Au croisant de Johnny Depp dans le. Ouais, c'est ça. Non. Ah, je crois que j'aurais. Je pense que j'aurais pleuré de joie. Donc voilà, ça c'était sur Pirates des Caraïbes. De toute façon, comme je l'ai dit avant, on en parlera le mois prochain du cinquième. On reviendra dessus. Moi je vais rapidement encore parler d'un film français aussi. Cette fois-ci je l'attendais. Parce qu'il faut bien qu'on parle de trucs un peu intelligents dans l'émission quand même. Pas oui. Ça peut se faire que des amis. Non, voilà. Un film que j'attendais beaucoup. Django. Non, c'est pas Django Unchained. C'est Django Edward. Voilà, c'est ça. Vous pouvez faire toutes les blagues de Django, j'en ai plus, mais voilà, c'est Django, donc le film biographique sur Django Reinhardt, un guide. On aurait pu faire Django Fett, mais ça marche pas. Non, ça. Il y a un D devant, mais. Bah si, c'est la version. Ouais, mais c'est la version hispanique Django Fett. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est le tueur à gages qui danse la salsa avec des maracas. Oh, super, ça, bravo. Ce serait drôle. Quand même. Oh là là. Bref. Bref. Je suis en train d'imaginer le thème de Star Wars au banjo. Je suis sûr qu'il ça existe. Oh, bah, ça fait de la diversité. Yo soy ton père. Franchement, il y a eu toutes les déclinaisons musicales sur Star Wars possibles et imaginables sur Internet. Donc, ça existe en plus. Donc voilà. Ouais, donc Django Reinhardt. Voilà. Oui. Donc Django Reinhardt qui est un guitariste de jazz qui a inventé le jazz manouche d'ailleurs. Qui avait une particularité physique, c'est qu'il avait qu'à 18 ans il était dans un accident de roulotte puisqu'il était un accident de roulotte, un incendie de roulotte ok, mais c'est vrai qu'un accident de roulotte non, il était dans la vie vous envoie des épreuves hein, quand même. Il était dans un incendie de roulotte puisqu'il a vécu sa jeunesse avec les gens du voyage et donc il a perdu l'utilité de ses trois doigts. Donc du coup, il a dû apprendre, il a dû créer un style de musique pour s'adapter à son handicap, et il a créé le jazz manouche avec ça. Et déjà, ça c'est génial, franchement. Donc déjà, l'histoire, elle pourrait vraiment être cool pour un film, franchement. Enfin, voilà. Mais malheureusement, on suit pas cette histoire-là. On suit une époque précise dans l'histoire de Django Reinhardt. Mais ça, je reviendrai plus tard. Je voulais juste dire que Django Reinhardt est interprété par Reda Kateb, et avant que je dise du mal du film, je voulais juste dire très bien de Reda Kateb, qui est juste parfait pour le rôle et qui aurait franchement pu être utilisé, l'histoire aurait pu être beaucoup mieux. Il aurait mérité un meilleur film, quoi. C'est ça, voilà, il aurait mérité un meilleur film sur déjà le personnage historique, le musicien aurait mérité un meilleur film, et l'acteur qui est juste parfait pour jouer le musicien aurait mérité un meilleur film. Donc c'est un film réalisé. Oui, parce que Reda Kateb. Moi je trouve que c'est une figure montante. Ah oui, oui. Du cinéma français depuis quelques années. Enfin, il a une tronche, ouais. Et c'est bien, c'est important. Et c'est vrai que j'ai pas vu un seul rôle où je l'ai trouvé mauvais quoi. Ouais, moi non plus. Quand tu le vois dans Hippocrate, il est très très bon, il a beaucoup de charisme, et même dans Qui vive, le film est pas extra, oui, mais c'est ça, le film très, était pas très bon, mais lui était très très bon dedans. Dans Guillaume et les garçons, il avait un petit rôle aussi, il était très bien. Ouais. Ouais, oui, dans Guillaume et les garçons à table, ouais. Ouais, non, franchement, Reda Kateb. Le rôle est dégueulasse. Ah, oui. Oui, mais bon. Donc voilà, c'est vraiment un. L'acteur est génial dans le film, il est vraiment. Il fait tout son possible pour faire du film un bon film, mais malheureusement, il y a des problèmes. Donc, au niveau de la réalisation et du scénariste, du scénario, c'est Étienne Comard qui est. C'est aussi son premier film en tant que réalisateur. Décidément, voilà. T'étais abonné. Ouais, mais lui, il avait par contre produit Timbuktu et Mon Roi de Mai Wen avant. Timbuktu, celui qui a reçu le César, le meilleur film. Il me semble, si je ne me trompe pas. Abderrahman Sissako, non, c'est pas ça Ouais, c'est ça. Je crois qu'il a reçu le César, ouais. Donc voilà, il avait produit ses films et il a fait c'est son premier film en tant que réalisateur et c'est adapté d'après le roman Fall de Django d'Alexis Salacto qui a aussi adapté, qui a aidé à adapter au scénario aussi. Voilà, donc on retrouve aussi Cécile de France dans le film en tant que personnage principal parce que après les autres acteurs sont pas très connus. Hein, c'est vraiment il a essayé de prendre des têtes qu'on voit pas souvent et c'est tout à son honneur on va dire. Le film se passe pendant en 1943 donc pendant que la France est occupée par l'Allemagne Django Reinhardt qui est un peu forcé d'aller jouer pour les Allemands, il a une tournée prévue en Allemagne, il va tout faire pour essayer de quitter la France. Ça c'est pas un spoiler puisque c'est ça arrive très rapidement bien sûr et puis même bon voilà c'est un truc historique donc pas non, très spoiler sur la vie de Django Reinhardt, je pense que tu peux y aller honnêtement. Non ça va aller il tente de quitter la France en passant par la Suisse mais il va se retrouver et en passant par il séjourne en Haute-Savoie et à Thonon-les-Bains. C'est là où se passe principalement le film. On a une trentaine de minutes à Paris. Qui annonce un bon film. Franchement, les 30 premières minutes sont assez dynamiques, ça swing justement pas mal. Mais le rythme du montage, etc., est vraiment très bon. Et là où le bas blesse, c'est vraiment quand on arrive à Thonon-les-Bains. Le film se ralentit vraiment. Il y a des problèmes de montage où on passe 10 minutes sur un truc où on n'en a rien à faire. On passe 10 minutes sur un personnage secondaire qu'on n'a juste pas envie de voir. On a envie de voir ce qui se passe dans la vie de Django Reinhardt quand on va voir un film sur Django Reinhardt. On n'a pas envie de voir un personnage secondaire qui est vraiment pas très lié à l'histoire. Pour moi, c'est là où c'est vraiment le problème du film. Déjà, le film est un peu trop long aussi. C'est 117 minutes, donc c'est. C'est 2 heures quoi. C'est très long. À passer les 30 premières minutes, on s'ennuie vraiment. Et ça aurait pu être tellement une bonne histoire. Moi, j'attendais tellement un film sur Django Reinhardt parce que c'est un personnage fascinant et qui a fait plein de trucs dans sa vie qui sont vraiment géniales. Et je comprends. Oh, il a déjà rencontré énormément de stars du jazz. Enfin, il a joué avec Duke Ellington et plein de grands noms de cette époque. Et en plus, il était super humble avec ce sujet. Il avait pas non plus la grosse tête. D'ailleurs, on le voit quand il est à Thonon-les-Bains, il va jouer dans les petits cafés, etc. Parce que ça lui manque tellement de pouvoir jouer pour du public que même il va jouer pour 3 personnes dans un café. Donc voilà, c'est vraiment un personnage hyper intéressant et il méritait pas un film qui était aussi long et chiant. Mais est-ce que c'est pas un peu le problème du cinéma français au niveau des biopics? Je pense que s'il y a un genre où on n'est pas bon, c'est quand même ça. Ouais, ouais. Bien sûr, il y a des exceptions, mais c'est vrai que. On a des personnages historiques super fascinants, et on n'arrive pas à les exploiter de la bonne manière, je trouve. Et c'est vraiment dommage. Parce que ça méritait tellement plus. Et c'est vrai que les biopics c'est pas notre fort. Ah bah oui, moi je suis en train de réfléchir, mais il me semble pas avoir vu un biopic français qui m'ait vraiment convaincu. Mais ça j'ai pas vu. Mais c'est vrai que là je pense à La Môme que j'aime bien, mais après est-ce que c'est si exceptionnel que ça? Je pense pas. Gainsbourg j'ai pas vu. Ça il paraît que ça va, parce que j'ai vu Coluche mais apparemment c'est pas génial. Clo-Clo c'était pas fou. Bah non. Oh bah Morgane serait là. Ah oui, je sais, je m'en prendrais dans la tête. Oui, non mais Morgane, tout ce qui est ringard, il est mieux. Ah non, il a pas aimé Zelda, alors je te contredis, pardon. Mais... Oui, c'est, oui, oui, voilà, encore une preuve. Ouais. Non, je défendais Morgane toute ma vie. On le charrie un peu. Hein. Ouais. Donc voilà, les bons points à retenir de ce film, c'est vraiment Reda Kateb. La bande son qui est, ben voilà, on peut écouter un peu de Django Reinhardt pendant 2 heures et c'est vraiment super cool. Si vous aimez ce genre de musique, c'est vraiment génial. En plus, ça parle aussi un peu de, c'est un truc qui était pas très connu. Enfin moi je connaissais pas, alors que je connais quand même un tout petit peu de la vie de Django Reinhardt. C'est qu'il avait écrit un morceau, enfin une symphonie à l'orgue. Pour tous les gens du voyage qui ont été tués pendant le nazisme, etc. Je sais plus comment ça s'appelle, Aude. Oui, parce qu'ils en font aussi partie. Ouais, voilà. C'est aussi le bon point du film de celui-là, c'est que ça rappelle aussi que, bon, bien sûr, il y a eu plus de juifs que d'autres personnes qui ont été tués dans les camps d'internement, mais il y a eu aussi les gens du voyage, il y a eu aussi, enfin, il y a eu beaucoup plus de monde que ce qu'on pense, et ce film rétablit au moins ça, enfin essaye de rétablir au moins ça, donc ça c'est assez noble de sa part aussi. Donc il n'y a pas que des mauvaises idées, voilà. Ce que je voulais dire, il a fait cette symphonie, on le voit jouer à la toute fin, enfin on le voit diriger un orchestre qui joue cette symphonie, et celle-ci a été perdue et ils ont pu récupérer que ce qui est montré dans le film, en fait. Il y avait je sais pas, beaucoup plus, au moins 2 heures de musique, et on a 5-6 minutes max qu'on a pu récupérer, enfin qu'ils ont pu jouer, interpréter dans le film. Donc ça c'est vraiment bien, voilà. C'est vraiment dommage pour un sujet pareil que ce soit. Il y a du potentiel. Ouais, il y a vraiment du potentiel. Et j'espère que ce film ne bloquera pas un futur potentiel film biopic un peu mieux écrit, un peu mieux. Un peu mieux monté, etc. Mieux réalisé. Que ce soit plus dynamique déjà. Voilà. Et rapidement aussi, je vais essayer de faire rapidement. J'ai triché un peu dans pour les films, parce que normalement on est censé parler que des films qu'on a pu voir en avril, mais j'étais obligé de parler de celui-là puisqu'il a eu une sortie exceptionnelle en France d'un seul jour, et je sais qu'Eddie m'en veut beaucoup de... enfin non, il en veut Oh, je pense que j'en veux à la moitié de mes contacts Facebook, hein. Moi je l'ai pas vu, voilà. Ça peut te rassurer. Oui, bon, toi ça va. Mais je suis pas sûr de le voir. Morgane, je lui en veux pas. Hein. Ah oui, non. Oui, Morgane a eu le choix entre Gravity et le Voyage of Time. Donc je vais parler de Voyage of Time de Terrence Malick. Et il a préféré se faire une 34e séance de Gravity. Et le pire, c'est que je mens pas. Oh non, mais c'est... Voilà. Oh, là, je ne peux pas le critiquer pour ça. Ça vous donne un peu le portrait du gars quand même. Moi, je suis passé The Others à la place de Voyage of Time. Moi, je suis pas sûr de faire voir Voyage of Time. Honnêtement, je serais allé voir The Others direct. Hein. Alors, pourtant, j'ai vu une bonne trentaine de fois, tu vois, pour te dire. Ouais, bon. Mais en plus, ça l'intéressait aussi, donc bon, voilà, on va pas refaire. De toute façon, c'était une sortie exceptionnelle en France, il y avait qu'une seule date, c'était le jeudi 4 mai, il me semble. Oui, parce que sur Small Things, du coup, c'est pas toi qui l'as vu, Adrien. Ah non, et puis je suis même pas sûr que quelqu'un l'a vu sur Small Things. Ah bah si, on m'a parlé de ça. Ah bon? On m'a répondu en commentaire dessus. Ah bah si. Ah bon, oh bah très bien, très bien, très bien, d'accord. Voilà. Ah, je non non. Donc voilà. C'est mieux que moi comment ça se passe sur mon site. Non mais c'est que du coup je sais jamais qui me parle. C'est mieux que moi comment ça se passe sur mon site. Bah écoute, mais non, mais je te jure que non, c'est non, vrai, mais je peux te faire une capture d'écran. Non mais je te crois, t'es fou quoi, je te crois. Ouais. Donc, non, mais je vais chercher. Hein. Non, je cherche pas du tout. Là. voilà, Voyage of Time, documentaire réalisé et écrit par Terrence Malick sur la création de l'univers, tout simplement. Hein, c'est comment faire plus simple. Donc voilà, non, c'est vraiment un film qui. Ah, attends, non, ça se trouve, je dis des conneries, c'était pas sur Small Things. Mais je crois que c'était sur. Je dois confondre avec une autre page. Ouais, merci, mais, merci. Je crois que tu confonds avec une autre page, j'avais dit. Parce voilà, que je crois que j'ai vu aussi. C'est sur quel site que t'avais écrit Miss Peregrine? Le bleu. Où bleu je... Bah, de l'autre côté de l'image, oui, elle en a parlé. Ah, ouais, c'est ça. C'est pas de l'autre côté de l'image qui a parlé de. Si, si, si, si, c'est ça, ils en ont de... Si, si, ah, en parlé. Ah, voilà. Et mais du coup, voilà. Mais voilà. T'es à trop d'endroits différents. Ah, ben bah, moi, je. Plus voilà. Plus des mois, c'est fou, quoi. Oui, bah, mais bon, écoute. Moi, je. Vas-y, Axel, parle-en. Excusez-moi. Ouais, just, bah, si vous voulez en savoir plus, elle a lire ma critique, qui est pas vraiment une critique, qui est plus un avis complètement. Non, non, il est non, elle est très bien. Ouais, non. Si. Mais de toute façon, tu pourras pas faire mieux. Bah donc, non, mais j'ai. C'est le plus compliqué moi, avec ce genre de film. Ça, non, non, non, non, non, non, non. Mais moi, je le prends très bien. Hein, je le prends très bien. Non, c'est que je sais. Non, parce que même moi, qui suis habitué à en parler souvent de ce réalisateur-là, je galère à chaque bah, fois. Oui, je sais jamais comment aborder le truc ou pas. Donc c'est vrai que je comprends qu'il ait eu du mal et je trouve que du coup, même en ayant eu du mal, ça rend déjà très bien. D'accord. Donc, ouais. Vas-y, Axel, parle de ton du mal. Vous allez m'entendre galérer. T'as déjà du mal. Alors, voilà. Voilà, donc Wedge of Time sur la création de l'univers par Terrence Malick, narré par Cate Blanchett. Qui incarne un peu, enfin c'est un peu une incarnation de la vie qui parle à l'univers. Enfin c'est un dialogue entre la vie et l'univers. Alors je sais. Ah oui, il le donne vraiment un genre de rôle. Ouais alors. Ouais. C'est un dialogue pour faire. Ouais voilà, c'est un dialogue entre la vie et l'univers. C'est un peu plus complexe que ça, mais pour résumer c'est plutôt bien. C'est ce que je dis souvent parce que je dis. Mais on la voit pas. Non, on la voit pas du tout. Mais voilà, parce que dans Tree of Life, Brad Pitt et Jessica Chastain, ils incarnaient aussi d'accord. quelque chose, mais par contre, on les voyait. Ok, d'accord. Bah, oui, d'ailleurs, non, c'est pas le même procédé. Ouais, dans les critiques que j'ai vues, il y a beaucoup qui disaient que Voyage of Time, c'est un peu un Tree of Life sans les personnages. Bon, moi, j'ai pas vu Tree of Life, mais je sais que je dois le voir absolument. Mais là, du coup, vu ce que j'ai lu, je pense que tu peux. Ah oui, je vais me presser. Et d'ailleurs, je vais revoir Night of Cups aussi. Parce que je pense que peut-être que je me refais. Pas spécialement, non, je n'ai rien à voir. Je voudrais me refaire un avis. Voilà. Mais voilà, Voyage of Time, c'est vraiment un film à moins que tu l'apprécies plus après oui, avoir je pense. Vu. C'est oui. possible. Hein. Parce que j'étais dans la bonne configuration mentale, on va dire, pour voir Voyage of Time. Le film m'a bouleversé. Vraiment j'ai jamais vécu ça au cinéma, jamais vécu ça devant aucune autre œuvre. C'est j'avais l'impression de plus être devant, enfin j'avais perdu toute conscience en fait. C'est vraiment, j'étais plongé dans le film et j'avais l'impression d'être rajoute-en une couche, c'est pas grave. Non mais à chaque fois j'ai l'impression de trop vendre le film. Et je sais qu'il y a peut-être il y a beaucoup de monde qui l'a pas vécu comme ça, qui l'a vu simplement comme une branlette intellectuelle. Ce que je peux comprendre, hein, parce non, que. Non, mais ça, ok, je veux dire, on le dit, on l'aide à chaque fois qu'il y a un homme, ça m'énerve ça. Non, mais dès que t'as un film où c'est un peu plus méta. Ou moi, je reconnais qu'on dit ça pour juste la fin du monde, alors je dirais rien, mais. Je le parle pas. Ah non, j'ai pas. Ah non, je l'ai pas qualifié comme non, ça. Non, je parlais pas de toi, je crois que c'était Excel. Ah bon. C'était ça. Moi, c'était moi. Ah, oui, voilà. Voilà. Nous ne sommes pas les mêmes personnes. Oui, non, voilà. Donc, non, franchement, Voyage of Time, ça m'a profondément bouleversé. Les images et, enfin, vraiment ce que j'ai ressenti pendant la séance, je l'ai vraiment jamais ressenti. Les images me quittent vraiment pas de la tête. J'y repense tout le temps, mais vraiment tout le temps. C'est bon signe. Et je suis obsédé par le film. J'ai qu'une envie, c'est de le revoir. Et comme bien sûr il n'y a qu'une séance unique en France, puisque je pense que le distributeur a eu peur que personne n'aille voir le film, puisque bah, les films de Malick ça fonctionne plus trop bien en France. Oui, parce qu'on ne sait pas trop pourquoi du coup il y a eu une séance unique comme ça. Apparemment, enfin c'est ce que j'ai lu sur le Wikipédia, donc c'est peut-être pas trop à prendre au sérieux, mais en tout cas c'est que le film a été distribué de cette manière parce que le producteur, enfin non, le distributeur en France n'avait pas trop confiance Mars. N'avait pas trop confiance dans le film et avait peur que s'il le laissait plus longtemps à l'affiche que c'est vrai que je sais pas trop comment il fait pour rentabiliser ses films. Ouais, ouais, voilà, il doit s'autofinancer, je pense. Ouais. Oui, et, beaucoup. Ouais, et voilà. Non mais il le fait beaucoup, hein, de toute façon, c'est sûr. Oui, oui. Je l'avais lu, je sais plus où, mais après même en s'auto-finançant, ou alors il a une Ouais. Fortune, je sais pas. Mais c'est vrai que. Après, je sais pas si ces films lui coûtent si cher que ça, parce que c'est beaucoup d'images qu'il fait lui à côté. Ouais, mais. Il a des équipes un peu partout. Mais là, hein, mais, vu les effets visuels. Lui, on le voit jamais, mais par contre, ça filme partout. C'est ouais. ça qui est impressionnant. Ouais, vu les. C'est, je pense que y a ces. Même si les films peuvent donner l'impression, finalement, c'est très libre au niveau de la caméra et tout. Ouais. Par contre, il y a une vraie logistique au niveau de la production, mm-hmm. je pense. Ah oui, mais complètement. Et ça se voit vraiment dans Voyage of Time. Hein, c'est. Les images, la manière dont elles sont montées, dont elles sont cadrées, c'est pas n'importe quoi, c'est pas n'importe comment, ça veut dire quelque chose. Alors je peux pas non plus déclarer que j'ai l'intelligence suffisante pour avoir tout compris, et je pense même pas qu'il faille tout comprendre, puisque c'est plus du ressenti. Il faut avoir certaines clés, je pense, ouais. pour apprécier ouais. pleinement son cinéma. C'est pour ça que c'est bien d'avoir vu toute son œuvre, je pense. Il y a des réalisateurs, je pense qu'il n'y a pas vraiment le choix, c'est comme Kubrick. Ouais. Mais du coup, je pense pas qu'il faille avoir une philosophie particulière ou c'est très libre en fait d'interprétation. Donc c'est complètement libre. C'est sûr, c'est mieux d'avoir certaines clés, mais je pense que tu habitué ou pas, tu peux quand même essayer. Oui. Mais c'est ce que je disais dans ma critique, c'est que pour faire un test, si vous aimez les 15 premières minutes de 2001 et les 30 dernières minutes de 2001, l'Odyssée de l'espace, que ça vous ennuie pas et que vous dites ces images, ça veut rien dire, pourquoi il nous montre un œil avec différentes couleurs, etc. J'en ai rien à faire. Ben c'est pas vraiment le film pour vous, je pense, Voyage of Time. Mais par contre, si ça vous a pas dérangé, si vous avez trouvé ça bizarrement fascinant, franchement, je pense que Voyage of Time peut vous plaire. C'est une expérience à vivre, je pense que c'est une expérience à vivre différente pour chacun, et que personne n'aura le même ressenti par rapport à ce film. Moi, ça m'a vraiment bouleversé, j'ai vraiment apprécié énormément le film, et j'ai qu'une envie, c'est de le revoir pour replonger dedans. Je sais que je vais pas avoir le même impact, surtout pas sur un petit écran machin. Au cinéma, c'est vraiment, t'es plongé dedans, t'as pas le choix. Et un truc étonnant quand même, c'est que, bon, déjà j'étais dans une salle, ça paraît cliché, mais c'était vraiment plein de bobos, etc. mais normalement, la dernière fois que j'étais allé voir Night of Cups, il y avait au moins 10 personnes qui ont quitté la salle. Là, il n'y a personne qui a quitté la salle. Donc, voilà, c'est juste comme ça. Ah. Moi, j'avais vu ça à Tree of Life, les gens partaient. Mm-hmm. Au compte-gouttes. Oui. C'est pas des films pour tout le monde, je pense que après quand tu vas voir. De toute façon, Tree of Life, c'est clair. Hein. Mm. Moi, je me rappelle, c'était les gens, ils ont vu Brad Pitt sur l'affiche, Palme d'Or à Cannes, c'est pour ça qu'ils y ont été. Hein. Il y en a, tu sais, c'est ça. Hein. Et puis moi, de toute façon, c'est aussi pour ça que j'y suis allé. Sauf que moi, je suis resté. Ouais. Mais au départ, je connaissais pas. C'est le premier film que j'ai vu de Terrence Malick. Ah oui. Ouais. Tree of Life, donc tu vois. D'accord, ouais. Non, franchement, je vous le conseille. Si vous... J'espère qu'il sortira en Blu-ray prochainement. J'espère aussi. Hein. Sinon, je pense que je vais. Moi, je suis surtout. Je vais le tourner moi-même. Je sais pas si je vais faire un truc. Mais... bonne chance, parce que vu les effets visuels qu'il y a, aussi, il y a un passage d'une quinzaine de minutes avec Néandertal et tout ça, l'homme de Néandertal, pardon, qui est vraiment. C'est sûr, génial. C'est eux, c'est pas. Je sais pas. C'est pas une autre espèce. Non, c'est possible que ce soit. Je m'y connais pas trop bien. Enfin, je m'y connais pas assez pour. Parce que en fait, c'est que je vois pas le film précisé clairement. Ah non. Ce qui est bien, c'est que c'est un dialogue flou. Bien sûr, on est chez Malick. C'est pas expliqué. Donc, il y a pas Kate Blanchett. Ça veut tout dire et rien dire à la fois. Il y a pas Kate Blanchett qui va venir dire. Voilà l'homme de Néandertal qui. Oui, voilà, c'est ça. Oui, mais non. On n'est pas sur National Geographic. Non, c'est vraiment. Et en plus, il y a certaines phrases dans le film qui. Et du coup, c'est ça, alors, les arborigènes qu'il aurait filmé il y a 25 ans. C'est possible. 25 ans Mais il a fait. Il y a 30 ans d'images. D'accord, parce que. Mais non, mais les images, elles sont splendides. Hein, donc, s'il avait une caméra comme ça il y a 25 ans, je sais pas comment il a fait. Mais il y a 30 ans d'images. D'accord. Déjà, je suis impatient. J'espère qu'il y aura des bonus dans le Blu-ray qui puissent nous expliquer comment il a fait le film. Même si j'y crois pas trop, mais mais voilà, c'est vraiment le film me fascine et voilà, je peux que vous le conseiller. Si vous voulez en savoir plus, lisez ma critique au pire et si vous pouvez le voir, si vous avez l'occasion de le voir, n'hésitez pas. Tentez au moins le coup. Tentez au moins le coup. Le seul truc où je suis content, c'est que je me dis, de toute façon, quoi qu'il arrive, qu'il sorte ou pas en Blu-ray, de toute façon, s'il sort en Blu-ray, je pourrais le voir avant la fin de l'année. Et ça, c'est bien. Oui, parce que moi, c'est numéro 1 dans mon top pour l'instant. C'est oui. Clairement. Normal. Clairement. Donc voilà. Voilà, donc on a fait la Selec. On va parler d'autres choses complètement différentes. Ouais, on va passer à du fun, à du fun en barre. Donc on va passer tout de suite au film du mois, qui est Les Gardiens de la Galaxie 2. Donc on est au film du mois, comme je l'ai dit juste avant, on va parler des Gardiens de la Galaxie volume 2. Donc c'est un film réalisé et scénarisé par James Gunn qui est sorti en France le 26 avril 2017 et aux États-Unis le 5 mai 2017. Donc on l'a eu un petit peu avant. Au casting, il y a énormément de monde. Donc on retrouve Chris Pratt, Zoe Saldana, David Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper pour les personnages principaux des Gardiens de la Galaxie. Principaux, pardon. Mais j'ai pas osé. Michael Rooker qui fait Yondu ou Donta. Donc au niveau du nouveau casting, c'est Elisabeth Debicki, Karen Gillancy, on l'avait vu Nebula, on l'avait vu dans le premier. Kurt Russell qui joue Ego, Pomme Clémentief Mantis. Oui, je sais pas trop, oui, j'arrive pas à le dire. Ouais, Mantis, c'est celle avec les antennes. C'est ça, ouais. Oui, c'est ça. Ah oui, ouais, oui, voilà, oui, c'est oui, ça. Oui, voilà. Oui, c'est bizarre au départ. Oui. Donc voilà. Je vais pas vous dire. Il y a aussi Sylvester Stallone. Je sais pas pourquoi il est là. Et non, je vais pas le dire parce que c'est un peu un spoiler, mais il y a un de mes acteurs préférés, mais c'est ironique un peu dans le film. On fera peut-être une partie. Si on va faire une partie un peu spoiler, parce que je pense. Parle de Stanley. Non, ça c'est un peu. c'est un peu obligatoire qu'il y ait Stanley dans le film, mais je parle pas. On fera une partie spoiler après, puisque je pense qu'il y a quand même des trucs à dire. Je pense qu'il y a quand même des trucs assez intéressants à dire pour ceux qui ont déjà vu le film. Donc voilà. Alors, je vais peut-être laisser la parole. Qui veut commencer? Est-ce que quelqu'un veut commencer pour moi? Adrien. Moi, ouais. D'accord, bon, très bien. Vas-y. Non, parce qu'on a pas mal parlé. Ouais, mais voilà. Du coup. D'accord. Bah, écoutez, moi, comme j'en parlais dans mon premier, pardon, cinéma, en fait, où on parlait, disons que c'était le premier, hein, où on parlait de la, ouais, notamment de la bande-annonce, c'est ça, de ce film, donc Les Gardiens de la Galaxie, ouais, volume 2, et pas Les Gardiens de la Galaxie 2, je tenais à le dire, parce que c'est rigolo que ça s'appelle volume, parce que c'est des références, je pense. Et voilà, j'étais pas du tout, alors là, vraiment, j'étais pas du tout convaincu, j'avais fait mon vieux râleur pendant facile 10 minutes de la bande-annonce, et puis j'ai été voir le film, voilà, vraiment sans... Je me disais bon bah au pire je vais m'ennuyer quoi. J'en suis ressorti très convaincu et beaucoup plus vraiment qu'à la sortie du premier film, parce que je trouve que c'est du cinéma vraiment c'est un film qui s'assume en fait, c'est-à-dire que c'est je trouve très drôle, c'est-à-dire que vraiment moi j'ai explosé de rire à plusieurs moments dans ce film. Je trouve que l'introduction est très réussie. Ouais, c'est bon. C'est bon, il a tout dit. Bon bah c'est la fin, merci. Non mais c'est vrai, c'est-à-dire que c'est très drôle, c'est-à-dire que c'est un humour qui est vraiment convaincant, parce qu'en fait on reproche pas mal au film, je sais pas pourquoi on reproche ça d'ailleurs, mais on reproche pas mal sa vulgarité notamment. Moi ce qui m'a étonné, c'est que Marvel et Disney aient accepté de faire la moitié de ce qui est dans ce putain de film, hein, vraiment, mais c'est... Parce que tout, enfin déjà tous les mots qu'ils disent, et il y a certains trucs vraiment limite quoi. Enfin, c'est... Mais c'est bien que ça s'assume. Très tendancieux. C'est pas non plus du Deadpool. C'est-à-dire que c'est pas non plus. Ah non, c'est pas grave pour être dingue, qui a rien, après, qui a rien à faire là. Alors que les Gardiens de la Galaxie, je dirais que comme la musique, ça j'en parlerai un peu plus tard. Les blagues font aussi partie intégrante du film. En fait, l'humour est enfin c'est devenu un personnage du film en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est tellement intégré au personnage que finalement, bah, on rit. Moi, je trouve que c'est un film qui est très très drôle, notamment dans l'introduction avec Baby Groot. Qui, bon, là, je vais un peu râler parce que je trouve que c'est toujours un peu le gadget pour vendre du truc. Et je trouve que je suis désolé, James Gunn nous avait dit que James Gunn nous avait dit oui, Baby Groot, vous allez voir, il a une importance dans l'intrigue, machin truc. Bon, ah, ok, si. À la fin, il fait un peu un truc qui sauve le game, mais je suis désolé, ça aurait pu être n'importe quel autre personnage. Je veux dire, il passait tranquille le raton laveur, je pense aussi. Bon, bref. Non, non. Non, il passait pas. D'accord. Non, bah non, il passait pas. Non, mais je sais pas, je trouve que vraiment, le fait que. Enfin, voilà, c'est un peu gadget, je trouve, et c'est pas du tout. Je trouve que les meilleurs moments du film, humoristiques, viennent pas du tout de, je trouve, de Baby Groot, en fait. Donc bah bon voilà, c'est un peu mon passage de vieux râleur pour dire que, mais c'est aussi un commerce, donc il y a un moment j'accepte aussi de dire que voilà, il faut aussi qu'ils vendent un peu. Non mais c'est Disney, faut bien qu'ils râlent un peu. Voilà, c'est ça, c'est Disney, faut bien que je râle un peu, et faut bien aussi qu'ils fassent un peu leur commerce, donc je vais pas leur reprocher ça, alors que pour une fois en plus c'est plutôt réussi. Alors après j'ai une réserve dans le fait que ce soit juste, que ce en même soit temps Groot aurait pas été là, ça nous aurait fait chier, je pense. Attends, bah, si toute la scène quand Rocket et Yondu ils sont enfermés. Oui, voilà, c'est drôle. Elle est juste magique cette scène. Oui, voilà, c'est drôle. Moi, c'est une de mes préférées. Je sais pas, je trouve qu'on a, en fait, c'est pas que c'est un personnage raté, mais je trouve qu'on insiste beaucoup dessus. En fait, c'est juste ça mon problème. Je trouve qu'on insiste dessus quoi. Voilà, j'ai aussi une petite réserve par le fait que c'est quand même réalisé par James Gunn. Ça m'avait déjà saoulé qu'il fasse le premier Gardien de la Galaxie, parce que je trouve que c'est un mec qui a fait Super et Slicer, et que c'était quand même autrement plus dénonciateur des systèmes hollywoodiens, autrement plus intelligent et autrement plus subversif. Ça m'agace un peu de voir des réalisateurs aussi subversifs et qui ont une telle vision des choses faire des films comme les Gardiens de la Galaxie. Après, sur ce film là, sur le deuxième, et je trouve que c'était pas le cas sur le premier, il arrive à insuffler quelque chose. Il arrive vraiment. Je trouve que c'était pas le cas sur le premier, en fait. C'est-à-dire que là. Ouais, mais autant le premier comme le deuxième, moi je trouve que justement, par rapport à ce que tu dis sur James Gunn, moi je trouve que du coup ces deux films-là ressemblent à aucun autre du Marvel. Je suis pas tellement d'accord. Je trouve que le premier. De ce que Marvel propose. Ah bah si. C'est quand même. Si, c'est quand même complètement différent. Ah oui, mais c'est je veux pas dire, Avengers, voilà. C'est pas une bouillie visuelle. Je sais pas, Avengers, je trouvais que le premier s'assumait quand même à moitié. Je trouvais qu'il y avait l'humour, machin truc. Oh non. Bah si. Je trouvais qu'il y avait quand même l'humour, machin truc, mais qu'à la fin c'était un peu le pouvoir de l'amitié qui sauvait le game quand même. Excuse-moi, c'est vrai, à la fin ils se tenaient tous la main, ils disaient nous sommes des gardiens de la galaxie. Excuse-moi, c'était quand même un petit peu. C'était pas. Chez Cameron, des années 2000, je veux bien, mais chez James Gunn, ça me dérange. Mais qu'est-ce que ça a de dérangeant? Bah. J'ai jamais connu James Gunn faire d'une en bien pensant et en cucu, et je vais te dire, voilà, ça me gênait. Mais il a le droit de faire plusieurs choses différentes, hein. Oui, mais je trouve que ça ne lui ressemblait pas et que ce n'était pas très intéressant dans le film. Après, justement, au moins, il sort de sa zone de confort. Mais d'ailleurs, dans les Gardiens de la Galaxie 2, si on enlève un petit peu une scène à un moment, je crois que c'est sur la fin, voilà, qui m'a un petit peu fait soupirer, je trouve qu'il se détache pas mal de ça, en fait. Et tout le film est insufflé comme ça par une légèreté. Alors qu'en face, il y a des enjeux dramatiques qui sont plutôt imposants, mais contrairement aux autres films Marvel, Les Gardiens de la Galaxie Volume 2, c'est un film qui a des enjeux dramatiques, mais qui va pas les désamorcer. C'est-à-dire que d'un côté, t'as les enjeux, et de l'autre, t'as l'humour, et les deux se fondent très bien. Alors que dans un film comme Civil War, t'as les enjeux, mais en fait, ils vont faire une blague qui va péter les enjeux. Là, c'est intéressant de voir l'équilibre que James Gunn a réussi à insuffler au film. L'équilibre entre l'humour et la légèreté, mais d'un autre côté, Ego, qui est un personnage formidable, je trouve qu'il est vraiment un super méchant. Alors que jusqu'ici, les méchants de Marvel, c'était un peu. Bah, ils étaient de différentes couleurs, quoi. Ils étaient de différentes couleurs et ils voulaient plutôt la planète. Donc là, oui, bon, ok, il veut un peu détruire la Terre quand même. Mais il a des motivations. Bon, on en parlera peut-être plus tard si on fait une partie spoiler. Ouais, on mais il a des motivations dégueulasses. Il a des motivations dégueulasses, mais c'est maléfique. Et c'est, c'est dramatique. C'est pas seulement. Non, maléfique, c'est Angelina Jolie. C'est pas seulement. Je croyais que Morgan n'était pas là. Ouais, c'est ça. Mais justement, Morgan n'est pas là, faut le remplacer un peu. Et donc non, c'est un film qui est vraiment très convaincant parce qu'il arrive bien à faire, je trouve, ce que Marvel n'arrivait pas à faire jusqu'ici, c'est-à-dire un juste équilibre entre humour et intensité dramatique. Mm-hmm. Et voilà, et la chimie, je vais finir là-dessus, c'est que la chimie entre les acteurs est super, notamment la relation entre Star-Lord et Gamora. J'y croyais pas une seconde, je pensais que ça allait être super naze. Et en fait, vraiment, c'est tellement. À ce niveau-là, c'est subtil, je trouve. Et c'est vraiment très très convaincant, et en fait, on les voit pas du Oui, c'est tout. vrai que là, ils en font pas des Ils en caisses. font pas des caisses, enfin, vraiment, je trouve, j'ai l'impression. Même à la fin, ouais. Même à la fin, C'est un tu peu moins t'attendais, chiant que voilà, la ils sont braves, relation machin truc. entre Black Widow et Voilà, Hulk. c'est ça, c'est beaucoup moins raté que ça, et c'est pas non plus la relation entre Thor et Natalie Portman, qui pour le coup, c'est, je crois C'est que c'est pas qu'elle le. est ratée, mais Si, c'est pour qu'elle toi est, elle est aussi, moins. c'est Non, complètement raté. c'est un peu chiant, quoi. Oh, elle lui Ça, c'est caresse la pas main pour lui grand-chose. dire calme-toi, elle lui caresse la main pour lui dire calme-toi, et tout ça. Ah, si, si, je trouvais ça Mais super naze voilà, quand c'est ça même. qui est chiant. Pourtant, j'aime bien l'ère C'est d'Ultron, Avengers, mais. c'est pas King Kong. Pourtant, j'aime bien l'ère d'Ultron, hein, mais c'était un raté à ce niveau-là. Et là, je trouve que les Gardiens de la Galaxie, C'est bah, bien un parce peu que lui, il aime les comme. moins bons, en fait. Bah, un peu comme. Je trouve que les Gardiens de la Galaxie, un peu comme Doctor Strange, finalement. Je trouve que c'est des films qui se sentent pas mal, d'ailleurs. Ils arrivent à Oui, se ça c'est pisser. vrai. C'est parce que c'est fait par des grands auteurs aussi. Je veux dire, c'était Derrickson, Doctor Strange. Donc, évidemment que ça allait être génial. Ah oui, bien sûr. Alors là, oui, on va être Bah, oui, c'est d'accord. ça. C'est donc, en fait, finalement, quand tu Oui, donnes. non, mais non, c'était alors là, ironique, c'était hein, de ça. l'ironie, Ah hein. non, t'es pas Parce que alors, Derrickson? moi. Pas du Ah tout. bon? Ah, j'adore ça, j'adore ça. Ah non. Ah ben, le Mais. jour où la Terre Non, s'arrêta mais et ok, c'est tu Sinister. le sors ta seule daube. Ah non, Sinister, c'était génial, je suis pas d'accord. Non, Sinister, c'était nul. Ah Ah, non, j'ai souffert c'était nul à physiquement. J'ai chier. souffert physiquement. Mon oreille saigne là. Oui, bah. Je Oh, peux le faut pas redire. dire ce genre de choses, c'est pas bien. Ah, Sinister, c'était nul. Dieu te punira, Eddie. Hein. Vraiment. C'est m'en fous. Bon, je le virerai de l'émission directement. Non, non, mais en vrai, voilà. Tout ça pour dire que, voilà, Doctor Strange, comme les Gardiens de la Galaxie 2, ça montre que dès que tu laisses un peu de liberté aux réalisateurs, ils font des trucs formidables et que, voilà, j'en connais qui est du côté de chez Mais Warner ça, par contre, c'est qui vrai. devrait s'en inspirer, et aussi du côté de chez Marvel, d'ailleurs, tout simplement. Oui. Ben, donc, les Gardiens de la Galaxie, c'est déjà une petite, tu sais, une petite larme. C'est le premier film dont on a parlé ensemble avec Eddie et Quentin. Eh oui, c'est Hein. vrai. C'est vrai. Notre premier podcast, Ouais. c'était sur les Gardiens de la Ah, j'aurais honte Galaxie. de commencer Mais par là. Août Ça 2014. marque une étape Août dans notre 2014. Ouais, c'est ça, collaboration. c'est ça. Donc voilà, c'était le moment émotion de l'émission. C'était la baleine. L'instant émotion, ouais. Pour être plus. Mais c'est vrai. Mais j'y ai pensé en allant au Ouais, cinéma. bah ouais, moi Oh. aussi, ouais. J'ai dit, quand on en parlera, c'est T'as vrai versé ta qu'on va petite repenser larme à là. ça. Non, non, Non, non, quand même mais. pas, mais. Non, mais c'est. Non, non, moi je suis pas insensible, moi je pleure, Je je pleure pas. pleure. Et là, j'en ai un qui me regarde à la maison, bien sûr. Non, bref, oui, donc voilà. Gardien de la Galaxie. Donc moi j'ai expliqué dans les parlants cinéma et j'expliquais aussi, je sais plus quand, récemment aussi, que les films Marvel. Alors j'étais très fan avant et là c'était en ce moment c'était le gros plat pour moi. J'avais pas vu un film Marvel depuis Ant-Man et voilà, je l'ai pas vu non plus. J'ai pas vu Civil War et j'ai pas vu Doctor Strange depuis. C'est pourtant pas faute de lui avoir conseillé. Ouais, Ouais, ouais, ouais. excuse-moi, moi si mon dernier Marvel c'était Ant-Man, moi je me serais arrêté aussi, je pense. J'ai bien aimé, moi, celui-là. Oh, c'est Oh, pire de l'MCU. Non, mais je l'ai bien aimé pour ce qu'il vaut, hein. Oui. Attention. Hein. Comme le pire, c'est tombé, ça se fait. Donc voilà, moi j'avais vraiment plus trop envie de voir des films Marvel. Alors, Gardiens de la Galaxie, c'est un peu à part, je À trouve. part. Et c'est encore. Enfin, il sépare encore un peu plus, je trouve, dans ce film. C'est que ça. Enfin, on a même plus l'impression que ça a quelque chose à voir avec les Avengers ou quelque chose. On Mais s'en là, fiche un ils vont peu. débarquer dans Infinity War. Ça Ouais, va être n'importe quoi, là. on va se demander Vraiment. d'où ils sortent. Hein. Enfin, D'où ils sortent? c'est vraiment ça. Bon, de toute façon, enfin, non, j'allais dire un spoiler, mais Un donc réservoir pour la voilà. partie spoiler. Ouais. Donc, moi, j'attendais beaucoup Les Gardiens de la Galaxie Volume 2. Je trouve que James Gunn est un réalisateur magnifique et je l'admire encore plus depuis ce film. J'ai adoré Slither, j'ai adoré Super, j'ai adoré le premier Gardien de la Galaxie et j'ai adoré celui-là. Donc j'ai que de l'admiration pour ce type. En plus, c'est vraiment un mec bourré de talent et qui communique beaucoup avec ses fans via les réseaux sociaux. Ça, par Oui, contre, ça c'est c'est cool. vraiment super cool parce que et en plus il fait vraiment des longs messages et tout. Enfin, il explique comment il a écrit le film, ce qu'il a vécu pendant qu'il écrivait le film, etc. et qu'il réalisait. Et suivez-le sur Facebook d'ailleurs. Il poste souvent des trucs et c'est Mais vraiment beaucoup sur ouais. Facebook, ouais. Et c'est, enfin, si vous comprenez un peu l'anglais, c'est vraiment super passionnant de pouvoir le lire. Et c'est un mec profondément humain et j'ai beaucoup de respect pour ce type. vraiment, et qui ne recule pas devant Marvel. Et d'ailleurs, Marvel a été assez intelligent pour comprendre la force, la force du premier et pouvoir le laisser faire des trucs mais complètement démentiels dans celui-là. Bah à mon avis, c'est le genre de mec qu'il faut pour tenir tête à Kevin Feige, ouais, justement, ouais, pour imposer ses idées, et puis à Disney aussi, c'est parce ça, que bon, bah, Disney, quand Disney veut dire son truc, en général, on écoute, oui, vu le poids que ça pèse. Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que des réalisateurs comme James Gunn pour les Gardiens de la Galaxie, c'est vrai qu'on sent qu'il a vraiment réussi à imposer un style, et du coup ça marche, et ça peut être que bon du coup pour les prochains films, ça, aussi. Voilà. C'est pour ça, moi je trouve que justement depuis le premier, les autres films Marvel qu'on a, alors c'est sûr, ils sont moins foufous, ouais, ou quoi que ce soit, mais je trouve que les héros, en tout cas, ils sont moins intéressants. Et surtout sur les nouveaux héros qui nous sont présentés, dont Doctor Strange et même Ant-Man, je trouve que c'est plus libéré en termes d'humour, en tout cas, où ça a un peu plus de sens, que c'est pas juste là parce qu'il faut en mettre, et puis c'est des personnages qui je dirais pas forcément qu'ils sont plus attachants, mais qui sont en tout cas plus intéressants parce qu'ils se prennent un peu moins au sérieux. On est loin de l'humour de Iron à la Man, con qu'il y avait dans Thor, le premier. Moi Thor le premier, Iron Man, machin truc, ça me fait beaucoup plus rire qu'Ant-Man, rien à voir, hein. Comparé l'humour par exemple de ce film Gardien de la Galaxie volume 2 à Avengers avec Iron Man qui fait ses blagues super lourdes, là on esquisse un sourire, on fait ah, mais là on est vraiment en train de rigoler et moi j'ai eu un accent assez horrible là, quand j'ai dit rigoler c'est pas grave, c'est moi qui me suis entendu oh là là. L'Alsace ne vous quitte jamais. Tout le monde va remettre le mot. Elle reste toujours en fin de phrase. C'est ça, tout le monde va revenir en arrière. Tout le monde va revenir en arrière. Non, ce que je voulais dire, c'est que j'ai vraiment énormément rigolé durant tout le film. Et c'est. J'avais jamais vécu ça devant un film Marvel, mais vraiment, c'est à mourir de rire. Et certaines séquences. Déjà, il y a Drax qui apporte énormément d'humour. Par rapport au premier, alors qu'il était pas très intéressant dans le premier, il était vraiment pas trop exploité, comme Gamora d'ailleurs. Il y en avait plus pour Star-Lord, Groot et Rocket dans le premier, je trouve. Là ils sont assez il s'est plus intéressé à Gamora et Drax, en tout cas il les a plus développés. Même si il y a bien sûr toute l'histoire avec Star-Lord et son père, ça c'est pas un spoiler bien sûr, puisque c'est expliqué dès même dans la bande-annonce. Ouais, d'ailleurs, ça fait penser qu'on n'a pas rappelé l'intrigue du film. Oui, c'est vrai. C'est peut-être un peu galère. Bon, après, il y a Allociné, il y a son script. Attends, j'ai sorti Wikipédia, là, je suis au taquet. Bah, alors... Wikipédia, en fait, le problème, c'est qu'il y a un résumé détaillé avec toute l'explication. Ah oui, non, t'inquiète, ils ont mis le synopsis avant. Là. Alors. Ouais, mais c'est un film. Est-ce que je le lis? Il a envie de lire sa page Wikipédia, laisse le faire. Tu peux le lire, mais moi je viens de le lire, ça a pas l'air d'être très intéressant. Enfin, oui, c'est juste pour qu'on... Les Gardiens de la Galaxie poursuivent leurs aventures en traversant les confins du cosmos. Déjà ensemble, c'était bien, tu vois. Ouais. Ils doivent se battre pour que leur nouvelle famille reste ensemble, tandis qu'ils cherchent à percer le mystère de la véritable filiation de Star-Lord. Wow. Voilà. Mais c'est vraiment de la... Ouais, effectivement, c'est de la littérature de haut niveau, voilà, tu vois. C'est... Celui qui a écrit ça, bravo. Écoutez, j'avais envie. C'est un peu comme le résumé de Jurassic World où il parle de la cool attitude de Chris Pratt. Bon, écoutez, j'avais envie de lire le. Oui, non, mais c'est bien. C'est bien, franchement, parce que c'est moi qui ai complètement oublié de rappeler l'histoire, donc voilà. Donc oui, Star-Lord retrouve son père, c'est expliqué très rapidement, même au tout début du film. De toute façon, c'est la première scène. Oui, voilà. Et je spoil pas. Non. C'est un peu toute l'intrigue du film. On va retrouver donc le père qui est joué par Kurt Russell, qui est d'ailleurs pour cette première scène, je sais pas comment, enfin ils l'ont rajeuni numériquement. Oui, il est très bien d'ailleurs. Le truc c'est que sachant pas, m'étant pas trop renseigné non plus. Je savais pas que c'était Kurt Russell, Je savais pas qui il jouait. D'accord. Et du coup. Quand j'ai vu le début, c'est vrai que je me suis pas posé la question de savoir s'il avait été rajeuni ou pas. Je sais même pas, le lien entre ce personnage et Kurt Russell. Ouais. Mais du coup, ils l'ont rajeuni numériquement et c'est une des premières fois que je vois un rajeunissement numérique. vraiment bien fait ou t'as l'impression qu'ils ont pris un autre acteur pour jouer, pour jouer, enfin pour le jouer. Est-ce que j'allais dire Rogue One, mais en fait non, ça n'a rien à voir. Je ne sais pas, j'ai pas vu le film. Ah oui, tu l'as pas vu encore. Non. Putain, mais Axel, c'est n'importe quoi. On va le voir, hein, c'est presque bien. Bon, c'est bien. Non, c'est même carrément bien, oui. Donc voilà, ce que je voulais dire, c'est que je sais plus ce que je voulais dire. C'est pas grave. Donc, que c'était très bien fait. Ce rajeunissement numérique était très bien fait. Là où je voulais en venir, c'était les idées visuelles de James Gunn qui sont complètement tarées et qui sont vraiment géniales. Enfin, voir ça dans un film grand public. C'est vrai que c'est rare. Hein. Je prends un exemple tout bête, c'est les sauts. Entre les planètes, entre les planètes, l'idée de génial, déformer ça. Les têtes et tout ça, enfin c'est vraiment un truc. T'imaginerais voir ça dans un cartoon. Mais vois Doctor Strange, hein, c'est vraiment la même mouvance hein, à ce niveau-là. Ouais. Je trouve. D'accord. Mais il est vraiment très bien. Moi, j'ai été agréablement surpris. Je m'attendais pas à aimer comme ça. Hein. Moi, je savais parce que c'est Scott Derrickson qui l'a fait. Donc voilà, il y a vraiment des trucs vraiment chelous qu'on verrait dans. Disons qu'on verrait ça dans un film indépendant, dans une série B. Voilà. On dirait mais c'est complètement con, c'est ringard et tout. Mais c'est bien là qu'on voit qu'on est quand même un peu influencé. Ah bah dans Jupiter Ascending, on avait vu ça et c'était horrible. Et moi c'est vraiment mon cœur de cible. On va pas relever. mon cœur de cible. Je crois qu'on n'avait pas fait pour 100 ans. Hein, les films que j'adore vraiment, c'est les films de science-fiction avec des trucs chelous comme ça, des idées complètement barjo. Visuel et aussi de cadre et tout ça, parce qu'il y a aussi la scène où il y a la flèche qui part dans tout le vaisseau et avec ses plans rapprochés sur les visages comme ça, enfin c'est vraiment des trucs que tu vois dans des films japonais et tout ça, enfin des films B japonais, et il y a beaucoup d'influence, il y a énormément d'influence. Et James Gunn qui vient d'ailleurs de qui a fait ses premiers films chez Troma, donc une boîte de films indépendants d'horreur, enfin horreur. Oui, Horribilis et tout voilà, ça. Voilà, c'est ça. Qui date depuis. Enfin, avec l'affiche me dégoûte. Excellent. Qui font des films depuis 40 ans avec quasiment pas de budget et qui sont génialissimes. Je conseille Toxic Avenger et Sergeant Kabukiman, si voilà. Petit clin d'œil comme ça. Voilà, c'est vraiment des films c'est vraiment des clins d'œil à des films très chelous avec des idées visuelles extraordinaires. Et moi, ce qui me fascine, c'est qu'il a pu faire valider ça par Marvel et qu'ils aient accepté de montrer ça à un film, comme un film grand public à des enfants. Il y a des enfants qui vont voir ce film. Le film il est violent. Il y a vraiment des mots. Enfin, c'est pas. T'as pas l'habitude d'entendre ce genre de mots. Alors moi je l'ai vu en VOST. Mais même en VF. Ouais, hein. D'accord. Il y a vraiment des gros mots assez violents quoi. Enfin tu t'attendais pas à avoir ce genre de truc de Walt Disney quoi ou de Marvel. Et ça fait du bien, ça fait vraiment. C'est dans leur intérêt en même temps. Oui, c'est ça. Ils s'ouvrent aussi. Ouais, mais en même temps, c'est quoi. Et moi, j'arrête pas de le dire que Disney s'ouvre, mais personne m'écoute. Si vous m'écoutez, j'arrête pas de le dire. Moi, c'est vrai. Moi, je le dis, mais ce qui me dérange, c'est qu'on sait pas à quoi ils s'ouvrent exactement. C'est ça qui est dans. Mais si. Ouais. Mais voilà, ils s'ouvrent et voilà, moi ça m'a vraiment fasciné, j'ai vraiment apprécié ce film, j'ai passé un super bon moment devant, c'est un super bon divertissement. Voilà, ce que je peux dire en tout cas pour la partie non spoiler, c'est que. Et la bande son, on n'en a pas parlé, elle est. Le Awesome Mix Volume 2. Le Awesome Mix Volume 2, il est bien, il est très très bien, je trouve un peu moins percutant que le premier. Il manque peut-être un morceau. Il y avait Jackson 5, il y avait Marvin Gaye dans le premier. Et il manque un morceau qui pète vraiment. Je trouve que Il y avait Runaways. Voilà, Runaways aussi. Il manque un morceau qui pète vraiment. Il y avait David Bowie. Enfin, il y en avait plein. C'était génial. Elle est toujours. J'écoute dans ma voiture. Oui. Il y avait même les Jackson 5. Oui, les Jackson 5. J'ai dit Michael Jackson, mais Jackson 5. Oui, pardon. Oui, mais voilà, je trouve que il est très bien, mais elle est un petit peu plus calme que la bande originale du premier. Et puis c'est, je crois que, bon après j'ai une culture musicale absolument pourrie, ouais. Mais je crois que c'était moins populaire aussi. Ah oui, oui, tout à fait. Les nouveaux morceaux. Parce que c'est vrai que autant dans le premier j'ai reconnu à peu près tout ce que j'ai entendu. Ouais. Sans, pas sans forcément parfois remettre les artistes quand même, mais là c'est vrai que dans le premier, là, je me rappelle quand je l'ai vu, on est sorti et c'est vrai que tout de suite j'ai téléchargé les chansons pour les écouter, ouais. Les réécouter dans ma voiture et tout, et c'est vrai que bah, là j'ai pas eu ce même réflexe, et c'est pas qu'elles m'ont pas plu, mais c'est que du coup le film m'a rappelé des chansons que j'aimais bien, ouais. Aussi, mais, le premier. Mais il y a quand même du très lourd. Après c'est sûr qu'il faut connaître déjà Electric Light Orchestra pour Mr. Blue Sky, ça tu la connaissais je pense, la toute première tout premier morceau sur lequel plus. Groot il danse. Je sais plus, je l'entends plus. Je l'ai plus entendu. Moi j'ai juste un petit souci avec la bande son, c'est que je la trouve bon, je vous avais poussé des O et des A, mais je trouve qu'elle a parfois le même problème que dans Suicide Squad, c'est-à-dire que je trouve que parfois dans le film elle est mal montée. C'est-à-dire que je trouve que parfois ils nous mettent de la musique parce qu'à ce moment-là, il faut mettre de la musique. Et que contrairement à ce que dit James Gunn, je trouve que parfois dans le film, elle n'est pas partie intégrante du film et elle est juste là parce qu'il faut mettre de la musique. Mais ça m'avait pas énormément choqué, moi, dans Suicide Squad. C'est ce qu'on reproche beaucoup au film. C'est ce qu'on reproche au film. C'est un truc qu'on reproche au film. Moi, je trouve que là, en l'occurrence, c'est le cas parfois. Si on lui reprochait que ça, ça irait. Oh, attention. non, mais moi j'aime bien. Hein. Ouais. Mais ouais, du coup, je trouve que niveau bande son, c'est vrai qu'elle est sympa, mais je trouve que c'est plus tellement. Alors que c'était le cas dans le premier, je trouve que c'est plus tellement un personnage du film dans le deuxième, quoi. Sauf certains passages. Ouais, il y a quand même. Enfin, voilà, Electric Light Orchestra, il y a Sam Cooke, il y a George Harrison, il y a Cat Stevens, enfin, il y a vraiment du bon, du très très bon. Mais tu vois, tout ce que tu me dis là, ça me parle. Cat Stevens, George ça Harrison. Fait vachement sens. En plus, Cat Stevens dans le film, ça fait vachement sens pour le coup. Les chansons, hein, je suis sûr que. George Harrison, c'est un des 4 Beatles. Voilà, bah alors moi je sais pas du tout. mais c'est enfin voilà. Ah si, je suis con, oui, les Beatles, si j'ai reconnu ça. Oui. Oui quand même. Non mais oui, non, j'ai une culture de merde mais pas tant que ça, faut pas non plus Voilà, non, il y a vraiment du très très bon, mais je trouve qu'il manque un morceau vraiment qui pète voilà, comme les Runaways ou ABC, ça, voilà. Ça manque de Michel Farmer, après, tu peux après le dire. C'est parce qu'il a choisi les bonnes aussi, hein. Les Runaways, elles sont pas toutes les chansons sont, oui, pas bonnes. Non, non, celle-ci, ouais, était très bien. Cherry Bomb, elle est extra. Oui, ouais, voilà. Donc voilà, au niveau de la bande son, je suis conquis, j'ai beaucoup aimé, mais un peu moins que le premier. Eddie, dans la partie non spoiler, du coup. Bah, je pense qu'en fait, je peux parler directement en spoiler, parce que je pense que je vais pas dire plus de choses que vous au niveau du. Des non-spoil, donc on peut passer directement. Ok, bah vas-y, je t'en prie. Donc du coup, moi c'est pareil, j'ai beaucoup apprécié aussi. Je l'attendais, mais un peu, c'est curieux, hein, mais comme n'importe quel Marvel en fait. Mm-hmm. Je l'attendais, mais oui, c'était aussi, pas une impatience. Quoi. Moi aussi, j'étais pas. Donc après, je savais que j'irais le voir, mm-hmm. parce que j'avais vraiment. Autant il y a des Marvel, je me suis pas déplacé. Mm-hmm. Mais de toute façon, on n'a pas forcément besoin parce que ça marche quand même. Mm-hmm. Mais. Mais je les ai tous vus aussi, mais pas au cinéma. Ah, moi au cinéma. Mais qu'est-ce que je voulais dire ? Mais du coup, j'avais celui-là, j'irais, parce que le premier m'avait bien marqué et m'avait bien plu. Et je vais encore rebondir sur ce que dit Adrien, ouais. Parce qu'il dit des bonnes choses quand même parfois. Ça arrive. Hein. Faut bien des fois. Mais c'est vrai que oui, ce qui est très fort dans Les Gardiens de la Galaxie, que ce soit le premier comme le second, c'est que l'humour est un personnage à part entière. Mm-hmm. Et ça, c'est bien, parce que autant dans Marvel, c'est vrai que ça désamorce certains trucs, autant vu que ça s'assume complètement dans Les Gardiens de la Galaxie, ben même les enjeux sont pas désamorcés, ouais, par une blague. En fait, ça n'arrive pas au même moment, c'est ça qui est bien, c'est que ça n'arrive jamais au même moment. Parce que même, je prends l'exemple de Drax, quand il parle à Mantis et qu'il lui dit qu'en gros, elle est pas belle et tout, ça traduit vraiment quelque tout chose. Fait, ça a du sens. Et en fait. c'est pourtant c'est de la grosse blague. C'est ça ce qui vient en fait. C'est ça. Pour faire une blague. Et c'est de la réelle. Et non seulement ça donne de la profondeur au personnage de Drax. Mm. Et c'est quand même pas évident de donner de la profondeur à un personnage comme ça, surtout en le faisant de cette manière-là. Mm. Et en plus ça aide à mieux saisir du coup ce nouveau personnage qui est Mantis. Mm-hmm. Et justement, ils jouent aussi parce que c'est vrai que ces deux antennes c'est quand même assez spécial et ils en jouent en fait, ouais. C'est ça qui est trop bien. Donc, c'est à la fois grand public, ça a des bons messages, et en même temps, ça montre qu'on peut se moquer, et en même temps, quand tu te moques, c'est pas forcément méchant, ça veut pas dire que tu comprends pas l'autre non plus. Et je trouve que ça, justement, par rapport aux enfants, c'est bien aussi. Oui, le message que Ouais. Et après au-delà de ça, oui, alors les idées visuelles sont, bah, c'est extra, enfin les toute la race supérieure là qui aime pas qu'on se foute de leur gueule et tout. Alors c'est vrai que ça fait un peu pub Dior sur les bords. En plus, j'ai surtout eu vachement peur à ce moment-là que les méchants du film ce soit ça. Voilà. Ah, oui. J'étais en vrai, c'est un tout petit peu une critique, moi je pense. Hein. Genre t'as l'impression que ça va être trop les méchants, que ça va, comme je dis, un méchant encore d'une autre couleur, tu vois. Bah, et en fait, on serait du bien une menace. En fait, très vite, ça c'est désamorcé. Pour moi, c'est presque une critique. On sait qu'ils vont être pitoyables. Ouais, en fait. C'est ça. Pour moi, ça c'est presque une critique. C'est pas ça. Mais justement, donc c'est pour ça que quand tu dis que James Gunn finalement est peut-être moins proche de ce qu'il a été avant, moi je trouve que. Ouais, je dis que c'est justement qui est différent et je trouve que c'est moins subversif. Je dis pas que c'est pas subversif, je dis que c'est beaucoup moins subversif. Parce que justement, dans ce message-là, je trouve que ça fonctionne bien. Le fait, voilà, c'est des méchants qui ont une vraie apparence, et souvent c'est comme ça qu'on personnifie les méchants dans les films. Ouais. Et du coup, bah là, il les rend un peu ridicules. Mm-hmm. Donc c'est aussi une manière de dire, ouais, et, oui, ils sont classe et tout, ils ont de l'allure, ils ont une philosophie bien à eux et tout, mais en même temps, ça reste des gros cons, quoi. Ouais. Donc bon, c'est moi je trouve ça bien. Après au niveau des personnages, ce qui est très bien dans ce film, c'est que alors effectivement Star-Lord reste toujours l'un des personnages principaux. Enfin le personnage principal en tout cas, et Chris Pratt ça lui va toujours très bien, ça y a pas de problème. Mais on continue de l'étoffer un peu, mais par contre ils ont tous droit à un vrai développement. Ouais. Et ça c'est cool. Ouais, c'est bien, c'est un film de team aussi. Gamora et Nebula. Parce que ouais, voilà. Il y a une vraie relation, ouais. Là on comprend en fait ce qui les oppose et c'est très intéressant. Et on nous reparle de Thanos, ouais. C'est toujours intéressant, même si on se demande toujours s'ils finiront par nous le mettre vraiment en avant ou pas. Ouais. Après Drax, oui, comme on l'a dit, parce qu'au départ il était, enfin voilà quoi, c'était un personnage drôle, ouais. Mais qui avait pas plus d'épaisseur que ça. Et du coup, c'est vrai que ce que j'ai bien aimé, c'est que il accorde moins d'importance à Star-Lord ou à Rocket ou à Groot. Ils sont toujours là, ils sont importants, mais c'est vrai qu'ils se concentrent sur d'autres. Donc en fait, le film est fait intelligemment, je trouve, pour une suite. Voilà, il y avait des personnages sur lesquels on s'est le plus concentré dans le premier. Bah voilà, maintenant on va parler des autres parce qu'ils sont importants aussi. Il montre qu'on peut aimer les autres aussi, quoi. C'est ça, et en fait, ça c'est cohérent avec le titre que c'est les gardiens de la galaxie. C'est pas Star-Lord et voilà, et les gardiens de la galaxie, c'est pas juste Star-Lord, c'est pas juste Gamora, c'est tout un ensemble. Donc je trouve ça bien, cette manière de narrer l'histoire. Et puis après, le méchant par Kurt Russell, moi je trouve qu'il est bien. Ah, c'est très très bien ça. Ouais, c'est non, franchement, les thématiques, enfin la thématique paternelle, je la trouve très bien. Ouais. Amené et très bien exploité, et ce que je voulais dire surtout, c'est surtout un gros spoiler, donc voilà, si vous n'avez toujours pas vu le film, n'écoutez pas, voilà, pas spoiler, il n'a pas peur de faire mourir un personnage quasiment principal, donc Yondu, et là à la fin tu sens vraiment l'émotion, alors que les films Marvel normalement, enfin Yondu aussi qui est vachement plus intéressant, ouais, qui est super intéressant. Quand Quicksilver il mourait dans Ultron, on n'avait rien à faire, je lui compte voilà ça. Exactement, c'est ça. Alors ça il n'y a aucune émotion dans les films Marvel, mais vraiment c'est un grand spectacle pour s'amuser avec du popcorn, sauf que moi quand Yondu et meurt à la fin, et ben tu sens, c'est vrai que ça m'a fait chier, parce que au départ c'était pas dans le premier, c'est pas un personnage qui m'avait marqué plus que ça. Bon, c'était rigolo, mais voilà, Michael Rooker, je trouve que là en plus il lui insuffle vraiment un truc, et c'est vrai que je trouve que ça fonctionne bien, et même au niveau de l'émotion, fonctionne. Et ça, c'est une grande première pour Marvel, parce que... C'est ce qu'on attendait depuis longtemps. Ah oui, c'est vraiment... En fait, le réel, les scénaristes, c'est la première fois qu'on les sent concernés par leur personnage, surtout, en fait. Voilà, c'est ça. Et qu'ils n'ont pas peur de faire mourir quelqu'un. Parce que dans les autres, il n'y a aucun enjeu. les enjeux pour les super-héros, on les verra peut-être. Bah, c'est vrai que Quicksilver, c'était limite un aveu des scénaristes. Voilà, c'est ça. Ouais, mais on peut le faire mourir finalement, vous l'avez vu qu'à peine pendant un film. C'était assez pitoyable, on nous avait teasé une mort importante, genre Captain America, Iron Man, machin truc. Finalement, on nous tue le mec qu'on a vu deux minutes et qu'un accent russe et qui ont plus voilà. Alors que, c'est ça qui est un peu énervant finalement avec Marvel, même si j'aime bien les films au demeurant parce que je les trouve sympas et j'aime bien toute l'histoire qui se met en place à chaque film. Mais c'est vrai que ce qui est énervant, c'est que évidemment ça nous ferait chier que Iron Man ou Captain America meurent, mais en même temps ça nous semblerait logique aussi. Je veux dire, on l'accepterait et puis au bout d'un moment ça fait tellement de personnages qu'il faut aussi laisser de la place à d'autres. Et franchement, si Iron Man mourait dans un film prochainement, je ressentirais rien. Mais parce que j'ai aucun attachement émotionnel à ce personnage. Alors que là, en 2 heures, il a réussi à me faire ressentir quelque chose pour un personnage dont j'avais quasiment rien à faire dans le premier. Donc voilà, je trouve que il a vraiment réussi là où personne n'avait réussi pour l'instant chez Marvel. Et il devrait vraiment en prendre de la graine. Bah oui, parce qu'il se tire une épine dans le pied, c'est faire mourir un personnage, en plus ça peut donner lieu à une excellente scène dans les autres. Bah oui, justement. T'imagines la mort d'Iron Man ou de Captain America, c'est des personnages importants. Il y aurait moyen de faire une super scène très héroïque et tout, il pourrait partir dans plein de choses, même si la fin est pas heureuse, ça les fait mourir vraiment en héros. Et c'est ça qui est très bien, c'est que dans Les Gardiens de la Galaxie, c'est un peu des anti-héros, c'est vrai. Mais ils ont pas peur en fait de c'est un Marvel qui je pense et je l'assume qui a pas peur de prendre des risques. Complètement. C'est écrit sur l'affiche. Hein. On prend tous les risques. Enfin, on prend pas tous les risques, mais on prend beaucoup de risques. C'est vraiment voilà. Je voulais peut-être revenir rapidement aussi. J'avais oublié de le dire, mais au niveau des moi, ce que j'apprécie aussi énormément avec James Gunn, c'est que il n'utilise pas que des effets 3D. Il y a beaucoup de maquillage, il y a énormément de maquillage. Tous les aliens, c'est des vrais êtres humains et les robots et tout ça. C'est des vrais êtres humains qui sont maquillés, qui sont déguisés, etc. Et ça fait ressortir le truc d'une façon beaucoup plus réaliste qu'une bouillie 3D qu'on a déjà vu 3000 fois avec des extraterrestres. Nous, on s'en fout quand ils sont en 3D. Ça rajoute vraiment un aspect vraiment très réaliste et c'est que quelques minutes, mais on voit toutes ces espèces, on se dit ah mais c'est quoi tous ces trucs, d'où ça vient, etc. On est intéressé par ces trucs parce que c'est des vrais gens et ça dure pas longtemps, et pourtant t'imagines le temps qu'ils ont mis à maquiller tout le monde. Mais oui, voilà. Et d'ailleurs, j'ai vu récemment une vidéo sur Facebook du maquillage de David Bautista pour Drax. Oui, on l'a vu aussi. J'ai halluciné le temps que ça prenait. Et j'imagine parce qu'on n'a pas l'impression pourtant quand tu le vois lui. Ouais. Et ça devait être juste un enfer à filmer, enfin à se préparer pour filmer en tout cas. Mais pour Gamora, c'est quoi? Et Gamora aussi. Oui, mais alors c'est quoi? C'est de la peinture verte. C'est de la vraie peinture ou c'est peint par ordi quand même? Ah non, je sais rien du tout, mais je trouve que la couleur est extrêmement subtile, alors je sais pas tellement comment ils ont fait ça. C'est intéressant. Ah, si, c'est du vrai maquillage, c'est du vrai maquillage. Enfin, Nebula aussi, du coup. Oui, justement, et c'est ça qui est excellent. C'est que il se repose sur les ordinateurs quand il en a besoin, et c'est intelligent. Voilà, c'est vraiment... De toute façon, je pense que c'est... Et c'est ce qu'il faut faire. La plupart des méchants sont impressionnants à partir du moment où, visuellement, déjà, ils imposent. Voilà, c'est ça. C'est aussi pour ça, c'est pour ça que j'aime autant, je pense, le Maléfique aussi de Disney. C'est parce qu'Angelina Jolie a vraiment une gueule dedans. Et le fait qu'elle ait mis les prothèses, la robe et tout, ça joue aussi. Et ça participe vraiment à ça. Pourquoi on aime tant Dark Vador? Oui, parce que c'est un vrai... Voilà. C'est un mec dans un costume. Ben oui, Ouais, c'est voilà. Ça. C'est tout simple. Hein. Et ça demande pas plus d'argent. Pourquoi on aime tant le T-Rex dans Jurassic Park? Pourquoi on aime Godzilla quand il est... quand moi, j'aime pas. Dedans. Oh, oui, mais toi, t'es bizarre. Non, on parle pas des sujets qui fâchent. Je peux supporter donc, plein de choses, mais pas ça. Pas en nous, hein, donc, voilà. Enfin, je sais pas si j'avais quelque chose d'autre à rajouter. Enfin, si vous avez quelque chose d'autre à rajouter pour les Si, moi, je dirais quand même que c'est vrai qu'on parlait du public et je trouve que c'est... Et je l'avais déjà dit dans le premier, et je le redis. Moi, je trouve que c'est pareil, hors Marvel, je pense que c'est vraiment une franchise de films qui a la capacité à devenir presque générationnel. Moi, je pense qu'il y a des gamins qui peuvent être aussi fans que beaucoup de gamins l'ont été dans les années 70. De Star Wars. De Star Wars. 80 plutôt. 70-80 de Star Wars, ouais. Ah bah, ils sont plus fans de... C'est sûr qu'ils vont plus être fans de Star Wars maintenant. Et c'est vrai que, je pense que l'univers a le potentiel pour plaire à beaucoup de monde, et puis les personnages aussi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, franchement, enfin voilà. Adrien, carton plein. Ouais, je voulais dire une petite chose parce que j'en ai un peu parlé dans la partie pas spoiler, mais du coup, en même temps, je peux spoiler. C'était par rapport au méchant, en fait, par rapport à Ego. C'est complètement fascinant parce que là aussi, on peut y voir en quelque sorte une espèce de critique masquée. Parce que ce qui est vachement intéressant dans le plan d'Ego, c'est que c'est un type qui veut détruire le monde, mais c'est pas le détruire, c'est plus compliqué que ça. C'est que c'est un type qui plante des racines, en fait. Dès le début du film, en fait, on le voit planter une racine sur la terre, et en fait, cette racine, on découvre c'est ça, on découvre à la fin du film que en fait, c'est un espèce de moyen en fait de terraformer la planète pour la masse violette qui est sur la planète. Bon, ça, je trouve ça un peu dégueulasse, mais du coup, je comprends pas pourquoi si elle détruit tout, elle m'appelle du constant de la terre. Mais bon, voilà, ça c'est parce que je suis chiant et j'ai trop lu Picsou. mais je trouve ça cool en fait l'idée que en fait ce type là ce soit un espèce de dieu et qu'en fait il serve du sang en quelque sorte ou du corps de ses enfants pour aller terraformer des planètes qui seront ensuite à son image en fait pour créer des clones de lui-même, c'est très proche de la mythologie grecque, hein. Ah mais tout à fait. Et Chronos qui dévore ses enfants pour ne pas perdre son pouvoir, en gros, c'est ça. C'est un peu ça. En l'occurrence, il va créer en fait des clones de lui-même en fonction des différentes planètes. C'est comme ça qu'il lie à Star-Lord parce qu'il a tué sa mère, parce qu'elle le retenait dans sa mission, parce que l'amour machin truc. Mais c'est vachement intéressant en fait de voir qu'en fait le méchant du film, c'est un type qui veut créer des clones de lui-même. C'est un type qui veut faire toujours la même chose. Je sais pas, c'est vachement intéressant. Enfin, il se cache vraiment pas derrière le nom. Mais c'est vachement intéressant parce que après, est-ce que je suis parano? Est-ce que c'est une critique de ces films interchangeables qu'on nous sert au cinéma, machin truc? Je sais pas. Je suis peut-être parano, mais je trouve que connaissant James Gunn, c'est pas de la paranoïa, c'est une interprétation. Ça, mais peut-être que je me dis que concernant James Gunn, il a peut-être insufflé ça dans le scénario, quoi. C'est possible, et c'est vachement intéressant, et c'est pour ça que le film, en fait, au-delà du fait qu'il soit drôle, divertissant, ce que tu veux, là où il est pour moi meilleur que le premier et meilleur que tous les films Marvel qu'on nous sort depuis Iron Man, j'irai jusque là, meilleur que Doctor Strange, c'est que vraiment c'est intelligent, quoi. C'est un film qui est très intelligent. Ultron était un peu intelligent, mais ça c'est très intelligent, et en plus ça tient jusqu'au bout, quoi. Et c'est d'autant plus intelligent parce que finalement les gens vont voir ça en pensant que c'est hyper fun et finalement quand ils en ressortent ils aiment parce que ça a été drôle mais aussi parce que l'histoire qui leur a été contée est pas crétine. Ouais, tout à fait. Après, ce qui m'agace un peu, c'est que derrière Marvel ils vont leur sortir des Avengers, machin truc, donc en fait ils vont avoir la bonne vieille formule qui fonctionne. Donc Mais parce qu'il y a plusieurs publics de Marvel aussi. Ouais, mais je peux pas m'empêcher de sortir de Doctor Strange ou de ce film là, moi, avec une note amère quand même de me dire. Ouais, c'est quand même pas tous les jours qu'on en voit des films comme ça. Et c'est pas tous les jours qu'on en verra. Et en fait, c'est certainement pas qu'on verra les prochaines années entre le Spider-Man qui sort, entre le Avengers derrière. Moi, je l'attends. Moi, j'attends plus le Thor. Oui, voilà. En revanche, le Thor Ragnarok, là, moi, je suis le premier dans la salle. Les Gardiens de la Galaxie, Doctor Strange et. Et Thor, je pense que c'est des personnages qui peuvent très bien s'accorder. Et même maintenant. En termes d'univers, parce que Taika Waititi, là, le réalisateur de Thor Ragnarok, il a fait What We Do in the Shadows. Voilà, hein. Oui, donc forcément, les vampires de Limoges. Putain de blagues. Il va y avoir des putains de blagues. Je pense que ça va être très drôle. Et c'est vrai qu'en termes d'univers, du coup, de ce qu'on a vu, faut pas juger un film sur sa bande-annonce, mais de ce qu'on a vu de la bande-annonce de Thor 3. Ça peut parfaitement s'imbriquer dans les Gardiens de la Galaxie. Tout à fait, alors que qui imagine les Gardiens de la Galaxie dans le même univers que Winter Soldier? C'est ça. Pas moi. Ouais. Hein. Ouais, moi, en sortant du premier film, c'est ce que je m'étais dit. Je me dis, mais comment. Et c'est la réserve que j'avais eue, et Axel doit s'en rappeler. Ouais, je m'étais dit, mais comment, par contre, ça peut s'intégrer au reste. J'avais essayé d'expliquer, mais j'avais dit que, bon, ils se retrouveront dans Avengers 3. Voilà. Mais j'en sais pas plus non plus. Voilà, c'est. Bah, c'est ce qu'on suppose, mais en même temps, ils peuvent pas nous parler de Thanos comme ça à quasiment chaque nouveau film. Non, et puis, bah. Avengers 3, on sait que c'est Thanos maintenant. De toute façon, Star-Lord, Star-Lord, s'il avait pas tué son père, il aurait pu aller tuer Thanos comme il voulait, en fait. Ouais, tout à fait. C'est un dieu. Il aurait pu aller. C'est ça, mais par contre, c'est que ça n'empêche pas que Star-Lord, il a quand même un statut qu'on n'imaginait pas. Non, mais le problème, c'est que, en fait, je pense que là, il a annihilé son pouvoir, puisqu'il a, détruit la planète. Donc, il a besoin de la lumière pour faire réveiller ses pouvoirs. Oui, c'est vrai. Donc je pense que c'est pour ça que à la fin son père il dit mais si tu fais ça tu seras comme tous les autres. Pourquoi tu veux pas être un dieu et tu veux juste être simplement humain. Et voilà, c'est pour ça en fait. C'est que en plus d'avoir tué son père, il a supprimé ses pouvoirs qu'il avait, des pouvoirs de dieu quoi, carrément. Et du coup, ça rend le héros encore plus intéressant. Tout à voilà, fait, c'est attachant. Ça. Ouais. Donc voilà, je pense qu'on a à peu près tout dit. Il y a la critique d'Eddie sur le site. Oui. Si vous voulez en savoir plus. Bon, elle est pas. C'est toujours ça, parce que je sais que parfois, c'est un second volet, donc j'ai plus de mal à en parler que le premier. C'est toujours comme ça. Moi, je dois être mal foutu, je sais pas, mais j'y arrive pas. Je crois que c'est pour tout le monde, hein, c'est pour tout le monde. C'est pour ça que t'es pas mais voilà. J'ai compris. Donc voilà, Guardians of the Galaxy 2, on vous le conseille, je pense, unanimement. Oui, tout à fait. C'est pas tous les jours qu'on peut conseiller Marvel. Si vous avez un film de super-héros à aller voir en ce moment, c'est ça. Il y a peut-être J-Robot quand même. Il y en a pas d'autres, c'est le problème. Si, il y a le film de super-héros italien quand même. Ah, J-Robot, mais j'ai pas vu ça encore. Ah oui, mais bon, je pense que c'est suffisamment rare pour être. Ça pourrait être intéressant, tiens. Mais voilà, donc Gardien de la Galaxie volume 2, on vous le conseille, allez le voir si vous ne l'avez toujours pas vu, et nous on va passer à la Minute Nerd. Dernière rubrique de ce podcast, la Minute Nerd, et normalement c'était censé être Morgan qui devait le faire, mais il n'est pas là, donc c'est moi qui prend la place du coup, et il le fera la prochaine fois. La Minute Nerd, pour rappeler rapidement, parce que ça fait un petit moment déjà qu'on en a plus fait une, la dernière fois c'était toi, Eddie, je crois. C'était en janvier, c'était la chaîne YouTube. Oui, Chasseur de Fantômes. Ouais. Voilà, c'est ça. D'ailleurs, l'épisode 2 de sa série est sorti. Hein. Allez-y, c'est très très bon. Bon, ça a été censuré par YouTube, mais ça n'empêche pas que ça reste très très bon. Bon, voilà. Donc voilà, vous avez un conseil en plus. Donc moi, je vais parler rapidement. En l'honneur de la fin de mon défi Disney. Oh putain, j'ai entendu le mot fin, j'ai eu peur. Qu'est-ce qu'il fait la fin de la fin de du site ou genre comme ça, tu sais. Faut pas me sortir des ah non mais alors en fait c'est la... Préviens tes équipes, bordel. En l'honneur de en direct. Quelle horreur. En direct, attention, nous sommes en direct. En l'honneur de la fin de mon défi Disney qui a duré 2 ans à peu près. Oui. Félicitations. Et donc voilà, merci. J'ai vu les 56 films classés comme classiques de l'animation. Ah ça y est, Caballeros et compagnie, c'est vu. Coquin de printemps, machin, c'est bien. C'est courage, même moi j'ai pas vu. Hein, donc, Ouais, ouais. Eddie se dit fan de Disney, mais il n'a pas vu. Franchement, je te conseille de pas les voir. Non, c'est plus de la. Non, enfin, c'est pas de la punition vraiment parce que. Bah non. Il y a des idées. Dans tous les films, il y a vraiment des idées d'animation qui sont vraiment cool et pour un fan d'animation, c'est toujours cool à voir, même si c'est pas très intéressant parfois au niveau de l'histoire. Ou alors ça tire en vraiment en longueur, ou enfin voilà. Donc t'es officiellement un vrai fan Disney. Bah là, je pense qu'on peut le dire parce qu'à mon avis, il y a pas tous les fans Disney qui ont fait ça. Non, pour qu'ils soient faits les 340 000, il faut être fan. Hein. Non, il y a 56, donc c'est les classiques de l'animation Disney. Hein, c'est pas tous les films c'est pas Pixar, en direct DVD. Ouais, bah les Toon Studios, c'est... non, hein, c'est bon. C'est pas toutes les suites, etc. Mais ce sera le prochain défi. Ouais, bah oui, non. Fini DreamWorks, je pense. Oui, j'ai vu le retour de Jafar ou pas. Non, justement, c'est je du me garde Toon Studio, c'est pas un classique. Je me garde toutes les suites Disney pour plus tard. En fait, je vais finir DreamWorks d'abord. Ah. Il me reste 10 films à peu près. Non, un peu moins. Qu'il ne reste pas le chapeauté parce que tu vas au devant. Si, il me reste le chapeauté. Ah merde. Ouais. Il y aura Dragon 2 aussi. Ouais, voilà, c'est ça, Dragon 2, ça je suis très impatient. Mais voilà, donc je voulais en venir. Donc, en l'honneur de la fin de ce défi qui a duré 2 ans, et d'ailleurs, vous pouvez retrouver cette. Tu nous offres des places à Disneyland ? Ah bah merde. Moi je voulais les gâcher. Moi je les laisse. Je suis sûr que t'aimerais en plus. En plus, c'était le plus proche. Je suis déjà allé, j'aime pas. Ah bon ? Il y a été en plus le fourbe. Bah non, moi j'y ai jamais été. Franchement, je pense que j'aimerais bien y aller. Bon, ce sera un jour. Donc voilà, si vous voulez la liste des films, je les ai classés sur Sens Critique. Vous la trouvez facilement sur mon profil. Ouais, les sondages là. Ouais, c'est le sondage en fait, les meilleurs films Disney. Ah oui. J'ai mis les 56 c'est dedans bien. Et je les ai classés par ordre de préférence. Alors ça change un peu tous les jours, mais c'est pas grave. Parce qu'il y a toujours un que je me dis, ah ouais, sinon il y avait quand même ça dans ce film qui était sympa, donc je le monte ou je le descends. Enfin voilà. Mais je vais aller voilà. Voir ça. Je voulais parler d'un album. On n'a pas fait encore de musique dans cette. Non, dans pas dans We cette Love rubrique. Disney. Hein. Ah non, t'inquiète. Mais non. Justement, je voulais parler de l'horreur qui était We Love Disney, mais ça, enfin, après les trois albums We Love Disney qui sont des abominations de Satan, Disney a eu la bonne idée de sortir un album que j'attendais depuis un petit moment et qui était, je l'ai précommandé en décembre d'ailleurs, avant sa sortie. Puisque j'avais pu l'écouter sur internet. Donc c'est Jazz Loves Disney. C'est des reprises de jazz, des classiques Disney. C'est cool ça. Ouais, c'est vraiment très très très bon. Je suis accro à ce truc depuis que je l'ai acheté en décembre. Je l'écoute énormément. Et ce qui est très bien en fait. En plus de, c'est déjà des très bons morceaux avec des artistes. Ils sont pas allés à moitié. Hein. Vraiment, les artistes, c'est de très bons musiciens et très bons chanteurs et chanteuses. Donc, ce que je voulais dire, c'est que j'ai oublié ce que je voulais dire. Mince. Voilà, ce que je voulais dire. Pardon, désolé. Tu vas y arriver, t'inquiète. Voilà. Pour rentrer dans la musique jazz, pour un non initié, c'est une bonne première écoute. C'est quelque chose. Pour moi, je trouve que le jazz c'est vraiment un style musical qui est pas facile à rentrer. Tu rentres pas aimer. Dedans facilement. Enfin, faut aimer et en plus les portes d'ouverture sont pas nombreuses. Et voilà, il faut vraiment trouver quelque chose qui pour lequel on a vraiment de l'affection et ça, je trouve que c'est une excellente porte d'entrée pour tous ceux qui voudraient s'intéresser au jazz et qui aiment Disney, qui aiment les musiques Disney. C'est vraiment une très très bonne porte d'entrée parce que il passe par tous les genres. Il passe par du bossa nova, par du big band, par du truc un peu plus classique, un peu du genre Sinatra, etc. Voilà, ça passe vraiment par tous les styles de jazz connus quasiment. Il y a même sur You've Got a Friend in Me, donc c'est le morceau de Toy Story de Randy Newman. Sur ce morceau, il y a même un peu de test de free jazz, mais c'est pas vraiment non plus. Je pense que je vais écouter ça. Oui. Ouais, c'est ouais. Pas non plus aussi, du free jazz hardcore. C'est pas voilà, c'est vraiment une bonne porte d'entrée pour se faire à cette musique, pour connaître un peu Et en plus, ça permet de découvrir des artistes et découvrir des styles musicaux qu'on n'a peut-être pas on n'a peut-être pas l'habitude d'écouter tous les jours. Et donc voilà, moi, ma sélection personnelle, c'est Everybody Wants to Be a Cat de. Déjà, la version originale est trop bien. La version originale est très très bien. Celle-là est vraiment excellente aussi. Il y a deux morceaux en français, c'est à noter. Donc Bibidi Bobidi Boo en français. Donc c'est la musique de Cendrillon, si je me trompe pas. Et un jour mon prince viendra. Qui est le dernier morceau sur l'album, et donc ça c'est les deux versions qui sont en français et qui sont vraiment excellentes aussi. Il y a beaucoup de l'album qui a été enregistré en France aussi, donc voilà, un petit plus tant qu'à faire. Voilà, donc Everybody Wants to Be a Cat, When You Wish Upon a Star qui est le genre Sinatra, etc. I Wanna Be Like You du Livre de la Jungle. Les deux morceaux du Livre de la Jungle sont I Wanna Be Like You et The Bare Necessities. Donc c'est en français. The Bare Necessities en français, je sais plus comment c'est. C'est la chanson classique du Livre de la Jungle. Voilà. Il en faut peu pour être heureux. Donc non, mais c'est très bien. c'est très bien. Donc voilà, les deux morceaux du Livre de la Jungle. You've Got a Friend in Me, Let It Go. Franchement, si vous êtes lassé par le morceau, c'est une très bonne réinterprétation du morceau qui donne une certaine fraîcheur. C'est ça qui doit être intéressant, c'est que même si tu connais pas le jazz, du coup, vu que c'est des musiques Disney complètement reprises, et c'est quand même des morceaux que tu connais à la base. Ah, mais il y a une excellente version de Let It Go en a cappella aussi par Pentatonix. Oui, c'est vrai. Mais non, mais voilà, ces reprises-là sont vraiment excellentes. Donc ça, c'était un petit peu ma sélection personnelle que je peux réécouter en boucle, mais tout l'album est vraiment excellent. Ça passe par tous les styles, comme je l'ai dit. Et si vous ne savez pas par où rentrer, enfin si la musique jazz vous intéresse, ou même si vous aimez Disney, si vous voulez découvrir un peu, je trouve que c'est l'album parfait pour rentrer dedans. Et c'est vraiment un très très bon album, pas comme ces merdes de We Love Disney. Hein, et donc comment ça s'appelle, tu peux redire s'il te plaît? Jazz Loves Disney. D'accord, oui, voilà. Tout con. Donc c'est assez simple, ça se retrouve partout. Vous pouvez même l'écouter sur Spotify si avant. Donc moi je l'ai acheté en physique parce que je suis un collectionneur d'albums, mais c'est pas obligatoire. Vous pouvez l'écouter sur Spotify et c'est très très bien aussi. Voilà, donc moi j'aime déjà beaucoup les musiques qu'on a dans les parcs. Il y a beaucoup de morceaux du coup qu'on connaît, genre c'est la fête et tout ça, mais qui sont repris qu'en instrumental en version jazzy un peu. Quand tu traverses Main Street, t'as beaucoup de reprises comme ça. Et c'est vrai que c'est déjà ça, c'est super cool. Alors j'imagine un morceau, un album de jazz, ça doit être assez sympa. Ouais. Il y a aussi A Dream Is a Wish Your Heart Makes, qui est une tous les autres sont chantés. Là, il y a aussi une instrumentale complètement. Donc, ce qui est bien, c'est que voilà, ça montre un peu tous les aspects du jazz, que ce soit instrumental ou accompagné au chant. Mm-hmm. Donc voilà. Je vous le conseille énormément et je crois que j'ai à peu près tout dit. J'adore cet album et je vais continuer à l'écouter. Voilà. Et j'espère que j'ai pu vous avoir donné envie de l'écouter. Voilà. On va passer tout de suite à la fin de l'émission. Donc voilà, on est à la fin de cette émission Podcast Movies Nerd numéro 31. J'espère que ça vous a plu. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à le faire. Avant de vous donner les liens, etc., je voudrais remercier notre invité Adrien d'être passé pour cette émission. Merci, c'était un plaisir. Merci à toi. C'est toujours sympa de t'avoir. Et puis, de toute façon, je pense... On verra, mais je pense qu'on fera d'autres émissions encore ensemble de toute façon. Donc voilà, mais c'était vraiment sympa d'avoir ton avis sur les films dont tu as parlé. Donc voilà. Et merci aussi à Eddy, mon co-hôte habituel. Hein. Ça fait déjà longtemps. Oui, ma rareté est moindre, mais bon. Non, mais. C'est, comme on disait pour les Gardiens de la Galaxie, ça commence à faire longtemps qu'on fait cette émission. Donc voilà. Mais c'est toujours un plaisir de faire ça. On espère pour le mois prochain retrouver Morgane. Aussi, il avait des problèmes d'emploi du temps là aussi. Donc, oui, parce que bon, ces calembours nous manquent quand même. Alors, bah oui, on essaie de le remplacer, mais bêtement. Mais on n'a pas, pas le talent. Voilà, on a pas les élèves ne peuvent pas dépasser le maître, on va dire. On n'a pas ce don inné pour la blague et le jeu de mots. C'est ça. Exactement. Donc voilà, j'ai remercié les auditeurs, je vous ai remercié. Donc vous pouvez retrouver. Le site, donc c'est moviesnerd.net, vous pouvez retrouver nos articles, donc nos critiques, etc. et nos podcasts et émissions vidéo sur moviesnerd.net. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, donc Facebook et Twitter, sur moviesnerd pour Facebook et movies_nerd sur Twitter. Ensuite, c'est sur PodCloud et iTunes. Vous pouvez nous noter le podcast moviesnerd. C'est c'est le truc le plus important que vous pouvez faire si vous aimez l'émission. C'est vraiment ça nous aide beaucoup à monter dans les statistiques, etc., et à faire connaître l'émission à plus de gens, ce qui est toujours plus sympathique. Et l'affiche sur Sens Critique aussi, si vous voulez. L'affiche Sens Critique, on en avait déjà parlé dans le podcast Parlons Cinéma, mais voilà, c'est toujours bien de le rappeler. Vous pouvez noter le podcast sur Sens Critique et puis noter des petits, enfin mettre des petits commentaires, etc. Je passe aussi récemment assez souvent pour voir ce qui s'y passe. Voilà. Donc moi personnellement, vous pouvez nous retrouver sur Twitter Sens Critique et MovieNerd. Donc c'est TheLexal, THELEXAL. Et je crois que c'est tout. Donc on va passer à Adrien, du coup. Vous pouvez me retrouver à l'écrit sur Twitter @zforstuff et sur smallthings.fr, mais aussi à l'oral dans mon émission. Le podcast des Four Horsemen qui parle aussi de cinéma dans un angle assez similaire, en fait on ne parle juste pas des mêmes sujets souvent. Ouais. Mais oui, voilà, on en avait déjà parlé pendant le Parlons Cinéma, mais allez écouter, de toute façon je mettrai le lien dans l'article du podcast. Ah, mais tu es trop bon. Je suis désolé, j'ai pas encore eu le temps de le faire, mais je le ferai. Écoute, non, t'en fais pas. Oui, non, mais c'est noté pas, dans mon Death Note. Oui, non, c'est. Enfin, il fonctionne mal, hein. Mais non, mais c'est pas par. C'est pas. L'envie est là, mais c'est. Bah, il faut. Ah non, mais t'en fais pas. Parce que c'est combien de temps à peu près? C'est moins long que nous, normalement. Je parierai pas là-dessus. Ça va de 1 heure à 2 heures. Ça va quand même de 1 heure à 2 heures. Oui, j'ai déjà pris les mauvaises habitudes. Oui, voilà. Bon, écoute, je me calerai un RTT. voilà. Et Eddy. Tout pareil. Donc sur Sens Critique, sur Facebook et sur MoviesNerd. Voilà. Eastark. Ouais, Eastark, ouais. Et on rappelle que t'as tes critiques de Pirates des Caraïbes qui sortent vendredi et dimanche prochain. Pour le 3 et le 4. Voilà, c'est ça. Donc, de toute façon, voilà, à être si fin vous... prêt pour le 5e volet. Voilà, et de toute façon, je pense qu'il y aura une critique du 5e. Oh bah oui, évidemment. S'en suit la logique. Voilà. Merci encore à vous deux. Merci aux auditeurs. On se retrouve le mois prochain pour le prochain podcast MoviesNerd, le 32. Et d'ici là, ciao. Salut. Au revoir.